Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Et je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, il est là. Elham Chahir, Édouard de Noël, Émilie Trigot, Vassindou Cissé, Jonji Biro, Hissène Ounissi, Yasmina Sadoud, Choki Haddad a donné pouvoir à Anne de Rugy, Edith Félix, Brahim Macrour a donné pouvoir à Édouard de Noël, Merlane Georges, Grégoire de la Guianerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, je l'ai vue, Brigitte. Elle est là, Brigitte. Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bi a donné pouvoir à Edith Félix, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariem Diop, Kaline Tribic, Hamid Chahir, Mamadou Sila, Manon Chrétien, Zora Kelly a donné pouvoir à Grégoire de la Gannerie, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt m'a donné pouvoir, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Angeline Desbordes-Silly, Solène Le Bourris a donné pouvoir à Angeline Desbordes-Silly, Anne Lorgui a donné pouvoir à Mohamed Jenan et Denis Barjot. Donc, Pierre Vionnet a donné procuration de mémoire à Elham Chahir. C'est noté. Nous, on n'a rien, mais c'est noté. Donc, nous avons une demande d'intervention du public, en l'occurrence l'association Sort de Terre. Donc, je vais donner la parole à Gilles Amard et ensuite, je vous proposerai d'aborder, pour des questions de clarté, la délibération 34 en premier point de l'ordre du jour. Monsieur Amard, vous avez la parole. On a un micro pour vous, normalement. Merci. Si je parle comme ça, ouais, c'est bien. Tout d'abord, merci à toutes et à tous de m'avoir laissé la parole. Vu qu'il y a une délibération qui concerne l'association ce soir... Et vu que j'avais aussi envie d'exprimer certaines idées, j'ai demandé la parole, on me l'a accordé, donc merci. J'ai écrit le début de mon texte. Donc à l'heure où nous devrions bientôt finaliser, grâce à un dialogue soutenu avec le maire, la rédaction d'une nouvelle convention qui a pour objectif de régir la réinstallation définitive de la bergerie des Malassis, et alors que le vote de ce soir vise à enclencher ce but final, j'ai voulu prendre la parole dans ce conseil des représentants des citoyens et citoyennes de la ville en tant que responsable de l'association Sort de Terre, qui œuvre depuis 16 ans dans la commune. L'association Sort de Terre et la bergerie des Malassis ont joué un rôle précurseur à Bagnolet et au-delà, bien au-delà, dans ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui la nature en ville ou encore l'agriculture urbaine. Nous avons ouvert un passage à beaucoup d'autres depuis, donc à Bagnolet et au-delà de Bagnolet, des jardins de pied d'immeubles dans l'espace public, ça n'existait pas, des fermes au pied des bâtiments, ça n'existait pas, ça n'existe presque encore pas, toujours. Donc nous avons aussi défendu un modèle de gouvernance ascendant qui a toute sa pertinence à un niveau local et au-delà. Nous avons aussi porté bien haut un regard positif sur notre ville de Seine-Saint-Denis, montrant que c'est souvent des territoires les plus décriés que démarrent les plus belles aventures. J'ai fait quelques formules. Seuls, bien sûr, nous ne sommes rien. Je tiens donc à remercier toutes les habitantes et tous les habitants de tous âges qui ont porté avec nous une vision engagée et désirable pour l'avenir des Malassis. Je veux aussi remercier tous nos soutiens et je veux remercier le maire en particulier et sa majorité qui, malgré les oppositions âpres que nous avons eues dans le champ d'un débat démocratique, faut bien le rappeler. Heureusement, nous avons pu débattre. Heureusement, nous avons pu nous disputer. Tant mieux. Donc malgré tout cela, voilà, il y a un dialogue qui a été maintenu et qui nous a permis d'arriver à un compromis. Tout le monde imagine ce que c'est, ce compromis. J'ai d'ailleurs appris à cette occasion ce que c'était un compromis dans l'intérêt général. Et vraiment, vraiment, j'ai pu être très vindicatif, et heureusement que je l'ai été, mais j'ai appris ce que c'était un compromis. Et je pense que cette notion de compromis, de dialogue, aujourd'hui, elle est très importante à un niveau local et à un niveau plus global. Par contre, je ne sais toujours pas ce qu'est la compromission. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers, quand je dis nous, c'est toute l'équipe de la bergerie, et elle est large, cette équipe. Donc nous sommes fiers que la bergerie des Malassis existe toujours et qu'elle joue toujours son rôle. Et ça, je crois que ça s'appelle la résilience, autre valeur qui est mise bien souvent en avant. Mon texte s'arrête là. Donc on arrive à la fin de la phase provisoire, de ce qui avait été appelé la phase provisoire, donc 3 ans sur un petit terrain. Notre objectif, c'était de continuer à exister, continuer à être là auprès des habitants, auprès des enfants, continuer à faire rêver, continuer à défendre les espaces verts publics, une vision de l'écologie qui parle à tout le monde. Et donc ce soir, vous allez voter notamment une subvention de fonctionnement à l'association, et d'autres rendez-vous suivront en mairie pour définir notamment l'espace qu'occupera la future bergerie. Nous, comme on l'a expliqué à Monsieur le maire, et comme on pourra en reparler avec n'importe qui que ça intéresse, on souhaite qu'une fois que l'école Pêche d'Or des Amiantés est détruite, une fois qu'elle sera détruite, réoccuper la grande majorité de l'espace. On souhaite, malgré tout, élargir la rue Blanqui et recréer un espace où les chèvres seront visibles de la rue. On souhaite donc faire une belle et grande bergerie, donc qu'enfin on arrive au bout de cette saga, et donc d'offrir la meilleure structure possible aux habitants. On est contre le fait de séquencer l'espace, c'est-à-dire de faire la bergerie et un parc urbain, mais je pense que cette idée, j'espère qu'elle est arrivée au bout de son chemin, et que vraiment, il faut que vous sachiez que ce qui est important, c'est aussi que cette idée de ferme école, elle n'est pas morte. Ça fait 14 ans qu'on vit avec l'école Pêche d'Or. C'est beau comme idée, la ferme école. C'est beau comme idée au Malassis, à Bagnolet. C'est beau comme idée en Seine-Saint-Denis. Donc nous, c'est ce qu'on continuera à porter comme projet. Donc une grande bergerie qui offre de l'espace aux habitants, qui offre de l'espace aux animaux, qui reste collée à l'école Pêche d'Or et qui reste exemplaire. Ensuite, je vais essayer de ne pas être trop long, excusez-moi, mais je suis ravi d'être là parmi vous, d'avoir un micro. J'ai fait un petit plan. Donc voilà, cette idée de ferme école, elle n'est pas morte et il faut la porter. Ce qui est important aussi, et là je parle au nom de toutes les associations, bien sûr on a besoin de financement. Nous, les associations, là, on est vraiment en difficulté. Il y a de moins en moins de moyens pour les associations. On a besoin de financement, on a besoin de fonctionnement pour pouvoir employer des gens. Les associations, ça emploie presque 10% des salariés du secteur privé. On est un vrai secteur économique, on a les mêmes difficultés que les entreprises. Donc il faut qu'on puisse vivre, il faut qu'on puisse être soutenu. Et notamment quand on est dans une ville comme Bagnolet où on peut dire qu'on est bien à gauche et tant mieux. Donc c'est dans cette convention, il y a aussi des questions de financement, en fonctionnement et en investissement. Et justement, le positionnement du conseil municipal là-dessus sera révélateur de l'importance que vous accordez aux associations. Pas seulement la nôtre, mais toutes les associations qui ont besoin d'emploi, parce que sinon on s'épuise, on finit par s'épuiser. On a besoin d'emploi, on a besoin de fonctionnement, et donc cette bergerie, cette belle bergerie, cette bergerie auquel tant d'habitants sont attachés, il faut qu'elle ait les moyens de vivre, de fonctionner au mieux, comme les autres associations de la ville engagées sur le territoire. Ensuite, Excusez-moi. J'ai moins l'habitude que vous de prendre la parole en public, même si je l'ai eu un petit peu quand même. Et voilà, moi j'appelle, alors je sais que c'est un peu naïf comme discours, mais j'appelle quand même à des consensus. La bergerie peut faire consensus. Et quand elle ne le fait pas, je me demande vraiment quelles sont les motivations de ceux qui nous cassent encore du sucre sur le dos. Donc on doit faire consensus. Le travail des associations comme la nôtre doit faire consensus. Voilà, donc merci une nouvelle fois pour le soutien. Comme je vous ai dit, nous on regarde devant, on ne regarde pas derrière. On est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers d'exister encore, et on a envie de faire encore plein de choses. Et voilà, donc il faut une grande bergerie qui soit bien financée pour que ça reste un modèle, pour que ça reste porteur d'espoir. Et on compte sur vous là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, le sujet bergerie montre ce qu'est votre art du compromis, Gilles. En tout état de cause, l'objectif, et c'était l'objectif de la municipalité depuis le début, c'était d'avoir à la fois un groupe scolaire, une crèche, un centre de loisirs neuf, une école neuve, et de préserver la bergerie. On s'y est engagé. On y arrive, voilà, on y arrive finalement, les discussions se poursuivent, on aura l'occasion de délibérer en octobre, au conseil municipal d'octobre, sur le dispositif précis. Aujourd'hui, on délibère sur la convention qui sert de support au versement de la subvention annuelle 2025. Les négociations sont serrées, les discussions sont serrées, mais elles sont constructives. Et en tout état de cause, l'objectif, c'est d'avoir une bergerie qui puisse être... L'unité immédiate de l'école, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, et c'est ce qu'on s'évertue à faire et à construire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'intervention, donc je vais vous proposer de voter le rapport 34, c'est-à-dire la convention d'objectifs et de moyens avec l'association sort de... C'est approuvé. Je crois que j'ai un petit problème de micro. On va approuver le procès-verbal du conseil municipal du 3 avril 2025. Et ensuite, je donnerai la parole à Mohamed Jenan qui souhaite faire une déclaration. Donc, sur le procès-verbal du CM du 3 avril, est-ce qu'il y a des remarques ? Jean-Claude Oliva. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Juste une petite remarque, parce que là, on a eu effectivement... C'est une remarque sur ce procès-verbal, mais c'est plutôt pour l'avenir. Je pense qu'il y a là, il y a des votes, effectivement, qui sont un peu plus contrastés qu'auparavant. Ça serait bien qu'outre l'indication du nombre de votants... Mettre le détail. Combien, voilà, qu'on ait les noms des personnes... Pour plus de clarté et de transparence. Je vous remercie. Il faudrait détailler davantage. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PV ? Je propose de le voter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Mohamed Jenan, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, avant d'ouvrir notre ordre du jour, je souhaite prendre un moment pour évoquer la situation dramatique encore à Gaza. Ce qui se déroule depuis plusieurs mois n'est pas simplement une guerre. C'est un massacre à grande échelle. Des dizaines de milliers de civils ont été tués. Les infrastructures vitales sont détruites. La population est privée d'eau, de soins, de nourriture. C'est une entreprise de destruction méthodique. C'est un génocide. Face à cela, nous ne pouvons pas détourner le regard, ni nous réfugier dans un prétendu équilibre diplomatique. Ce qui est en jeu, c'est notre humanité commune, mais aussi notre cohérence politique. Quand un peuple est écrasé sous les bombes, quand le droit international est piétiné, quand la communauté internationale tergiverse, il revient aux voix libres, aux élus, aux consciences de dire non. Non à l'impunité, non à la logique d'extermination, oui à la logique, au droit, à la fin immédiate des opérations militaires, oui à la reconnaissance pleine et entière des droits du peuple palestinien. Cette parole, nous devons la porter ici, dans ce conseil municipal, qu'on parte ailleurs. C'est cela aussi, faire de la politique. Ce que nous soumettons aujourd'hui à votre vote n'est pas un simple vœu. C'est un acte politique, un acte de rupture, un acte de solidarité. Depuis octobre 2023, après les actes terroristes du Hamas que nous avons ici clairement condamnés, Gaza est devenu un champ de ruines. Près de 50 000 morts, des enfants démembrés, des mères enterrant leur famille entière, des hôpitaux ciblés, des écoles rasées, des civils affamés, des médecins assassinés. Ce n'est pas un conflit, comme on tente de nous le faire croire, c'est une punition collective infligée à tout un peuple. Face à cela, le silence devient complicité. L'inaction devient approbation et nous n'avons pas le luxe de l'indifférence. Nous ne sommes ni un État, ni des diplomates, mais nous sommes des élus municipaux. Élus d'une commune qui a toujours su se tenir du côté des peuples opprimés, avec le peuple d'Afrique du Sud contre l'apartheid, avec les peuples colonisés contre l'ordre colonial, avec le peuple chilien contre la dictature de Pinochet, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bagnolet a toujours été une terre de solidarité et de résistance. Elle doit le rester. Ce vœu ne vise pas un peuple et ne vise pas les citoyens israéliens. Il dénonce un gouvernement, celui d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui piétine le droit international, défie la Cour internationale de justice, se moque des résolutions de l'ONU et impose la terreur au peuple sans État, sans défense, privé de nourriture, d'eau et de soins. Nous devons prendre nos responsabilités. Bagnolet ne peut plus entretenir de relations officielles avec un État dont le gouvernement est responsable de crimes de guerre et de génocide. Tant que ce massacre durera, tant que le droit sera méprisé, tant que la paix sera piétinée, nous demandons la suspension de toute relation institutionnelle avec l'État d'Israël. Et nous appelons notre pays, la France, à sortir de son ambiguïté, à reconnaître enfin l'État de Palestine, pas demain, mais maintenant. Ce geste est peut-être symbolique, mais le symbole compte. Ce vœu n'est pas isolé. Il rejoint ceux votés par les régions italiennes de Toscane, des Pouilles, des Émilie-Romagne. Il s'inscrit dans un mouvement européen de solidarité. Demain, nous souhaitons que Bagnolet participe à une coordination des villes engagées pour que les voix des peuples contre la guerre soient plus fortes que le silence des gouvernements. Ce soir, ce conseil municipal a l'occasion de se tenir du bon côté de l'histoire. Alors choisissons ensemble pour que le conseil municipal de Bagnolet exprime sa solidarité avec la population civile palestinienne, demande un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza et exige le respect du droit international humanitaire par toutes les parties. Pour que le conseil municipal suspende toute relation institutionnelle avec les représentations officielles de l'État d'Israël, ambassade, délégation, partenariat institutionnel ou symbolique, tant que perdurent les attaques contre les civils et les violations du droit international. Pour que le conseil municipal appelle solennellement le gouvernement français à reconnaître officiellement l'État de Palestine, conformément aux résolutions de l'ONU. Et pour enfin que la ville de Bagnolet se rapproche d'autres collectivités locales engagées, comme Gennevilliers, Ivry-sur-Seine ou les régions italiennes mentionnées, pour initier une plateforme commune d'action municipale pour la paix et la justice en Palestine. Je vous remercie. Merci, Mohamed. Je pense qu'effectivement, c'est de bon sens. Et on va commencer par mettre sur le fronton de l'Hôtel de Ville, je pense, les mêmes banderoles que celles qui ont été mises à Montreuil par Patrice Bessac et son équipe municipale. On va commencer par là et on va s'engager dans le processus que tu décris. Édouard de Noël. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce vœu. Quelques éléments de complément. Lorsqu'il y a eu l'offensive russe en Ukraine, qu'on a tous condamnée, le drapeau ukrainien a été levé devant la mairie de Bagnolet. Par parallélisme des formes, la même chose aurait pu être faite ici. Il n'est pas trop tard. La maire de Besançon vient de le faire. Ça pourrait être un symbole au-delà des pancartes évoquées. Le deuxième élément qui me semble important, c'est qu'on est nombreuses et nombreux à avoir vu qu'à l'entrée de nos villes, les panneaux de Bagnolet ont été tagués pour retirer le nom de Chatila. C'est des groupes... alors, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Tous Résistants. Je ne sais pas s'il faut leur faire de la pub. On voit bien l'esprit derrière l'oblitération, y compris des noms palestiniens. Et donc, il conviendrait que la ville porte plainte et restaure les panneaux de telle manière qu'on ne laisse pas effacer y compris le nom de Chatila, des différentes entrées de la ville. Il y a plusieurs panneaux qui ont été tagués. Les panneaux ont été nettoyés dès que le signalement nous a été parvenu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? On approuve unanimement la déclaration de Mohamed Jenan, même si on ne l'a pas. Pardon ? Si, il l'a dit. Si, il l'a dit. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Et si vous allez lire très tranquillement ce qu'il y a sur les pancartes, comme dit mon collègue de la mairie de Montreuil, il y a aussi la nécessité de libérer les otages. Voilà. Voilà. Donc je vous propose, est-ce qu'on approuve la déclaration de Mohamed Jenan en levant la main, tout simplement, je pense. Voilà, merci. Donc j'ai manqué à toutes mes obligations, je n'ai pas proposé de désignation d'un secrétaire de séance. Brigitte, tu es là. Donc je propose de désigner Brigitte de la PL comme secrétaire de séance. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est approuvé. Donc nous reprenons l'ordre du conseil municipal par... je vais vous faire une présentation groupée des délibérations 2, 3, 4 et 5 qui ont le même objet. En l'occurrence, le maintien ou non de Mme Elham Chahir, de Mme Edith Félix, de Mme Anne Gerval et de Mme Jonji Véro dans leur fonction d'adjoint au maire. Quelques mots introductifs à ces délibérations. Ces collègues ont fait le choix lors du dernier conseil municipal du 3 avril de s'opposer à l'adoption du budget primitif 2025. Il nous semble, par souci de cohérence politique et d'honnêteté vis-à-vis des bagnoletaises et des bagnoletais, que ses collègues auraient dû, en cohérence, me remettre leur délégation. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai procédé à leur retrait de délégation. La loi, aujourd'hui, nous impose, puisque ce pacte majoritaire est rompu, de soumettre le maintien ou non dans leur fonction de ses collègues élus. Donc j'ai pris acte des votes des collègues. Je leur ai adressé le 4 avril dernier un message où je leur demandais justement de se mettre en cohérence avec leur vote et de se retirer de leur fonction d'adjoint. Force est de constater que le courage et la cohérence ne sont pas des vertus répandues dans le monde politique local. N'ayant eu aucune réponse concrète face à cette sollicitation qui était la conséquence logique. Je veux dire, à un moment donné, lorsqu'on vote contre un budget, on n'a pas vocation à le mettre en œuvre dans des fonctions d'adjoint au maire. Ça s'appelle juste la cohérence politique. Donc, conformément à la loi, nous sommes amenés ce soir à nous prononcer sur le maintien ou non de ses collègues dans leurs fonctions. Pour ma part, je le dis d'emblée, et en fait, cela m'importe peu. Cela m'importe peu. Donc je m'abstiendrai sur ses propres délibérations. La conséquence, si elle n'était pas adoptée, c'est que de nouveaux adjoints ne pourraient pas monter dans le tableau des effectifs et que des collègues élus ne pourraient pas devenir adjoints. L'autre conséquence, mais qui n'en est pas une, un adjoint sans délégation peut continuer à être adjoint sans délégation, il continuera à célébrer les mariages, il continuera à être d'astreinte, il ne percevra pas d'indemnité puisque les indemnités, elles, sont liées à l'exercice d'une délégation. Donc voilà le cadre qui est fixé sur ces délibérations et je vous propose de prendre la parole si vous le souhaitez. Rebonsoir à toutes et à tous. En fait, c'est une série de délibérations qui nous sont soumises, c'est-à-dire qu'il y a les quatre délibérations qui viennent d'être évoquées, mais aussi les délibérations 6 à 12. Donc les premières concernent l'exclusion de nos quatre collègues de leur fonction d'adjointe et les suivantes, leur exclusion de diverses représentations de la commune dans plusieurs instances. Donc ce soir, au nom de notre groupe, nous allons voter contre ces exclusions et pour le maintien de nos collègues Elham, Anne, Jonji et Edith. Et nous n'avons pas fait mystère de nos désaccords au moment du budget. Nous réitérons d'ailleurs ce que nous avons dit lors du débat du budget, les choses sur lesquelles nous avons été en désaccord. Nous avons compris aussi que le maire vous décharge de vos délégations à la suite de ce vote. En revanche, effectivement, nous refusons les exclusions qui sont proposées ce soir. Et d'ailleurs, je vais commencer par dire une chose, c'est que les quatre femmes dont on propose l'exclusion étaient en 2020 sur la liste du maire et il ne nous semble pas, en conséquence, devoir trancher les désaccords au sein de cette liste. Plus généralement, nous souhaitons prendre la délibération pour réfléchir au déroulement de la vie politique dans notre ville et à l'action publique en général. Car depuis la mi-mandat, il n'aura échappé à personne que les élus les plus importants, le premier adjoint, la deuxième adjointe, récemment la coprésidente du groupe socialiste, claquent successivement la porte, soit du conseil municipal, soit du groupe socialiste. Et ce soir, on devrait encore à nouveau exclure des collègues. Le maire s'est mis lui-même dans cette situation pour qu'autant d'élus lui tournent successivement le dos. Il s'est mis dans cette situation en excluant méthodiquement les élus des circuits de décision. Il s'est mis dans cette situation en transmettant des instructions à son administration pour ne pas travailler avec tel ou tel élu qui se retrouverait en disgrâce. Et il s'est mis également dans cette situation en gérant les désaccords politiques par la défiance et par l'affrontement. À force de faire ça, à 9 mois de la fin du mandat, le maire se retrouve en minorité au sein du conseil municipal, notamment sur ses délibérations. Et c'est une situation inédite qui est en réalité révélatrice d'une gestion erratique et solitaire du pouvoir. Or, ça aurait pu se passer autrement et ça aurait même dû se passer autrement. Pour certaines ou pour certains qui nous écoutent, ça peut sembler n'être qu'un problème entre élus. En fait, ça n'est pas le cas. La vérité, c'est que cette situation, elle a des conséquences délétères au quotidien pour notre ville. Des conséquences d'abord sur la bonne marche de l'administration. J'en avais déjà parlé au mois d'avril lors du débat sur le budget. D'ailleurs, depuis, je parlais notamment des cadres. Le directeur des sports est parti, un de plus. Alors effectivement, personne n'est irremplaçable, c'est certain. Mais les conditions de travail des cadres, et d'ailleurs de l'ensemble de l'administration, devient irrespirable parce que cette ambiance atteint le fonctionnement au quotidien de l'administration. Et ça a une conséquence aussi sur la bonne conduite des politiques publiques. Je l'avais évoqué aussi, je le redis. L'énergie qui est mise à exclure des élus, à travailler en vase clos, à refuser le débat, ça donne des défaites et ça donne des renoncements. Je ne vais pas tous les lister ce soir, mais je voudrais quand même revenir sur certains sujets. Quand on promet collectivement, ici, au conseil municipal, après débat, des rues aux écoles, qu'on s'engage dessus et qu'on revient dessus d'un trait de plume, c'est un premier exemple comme ça. Mais c'est des renoncements regrettables. Quand on perd ou qu'on réduit des équipements publics qui sont pourtant adaptés à nos pratiques artistiques, sportives, et qu'on ne les défend pas. Je pense à la salle de gym du Collège Travail, je pense au théâtre municipal des Malassis dans le projet En Rue. Ce sont des renoncements regrettables. Et ce n'est pas un hasard, parce que en réalité, plus le pouvoir est solitaire, plus il sera bougri. Et plus les débats, pourtant légitimes, sont considérés comme des offenses, plus l'intelligence collective est entravée. Et je le dis parce que les enjeux auxquels on fait face, ils sont absolument colossaux. Et on peut y faire face que collectivement. Donc j'en reviens à la délibération qui nous intéresse. Oui, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, on a eu des débats particulièrement rudes, et notamment avec des collègues qui sont en face de moi. Mais ça s'appelle la démocratie. Donc on propose, là, sans rien renier de ce qu'on pense à Bagnolet en commun, de montrer qu'un peu de travail collectif ou de rassemblement reste nécessaire. Il reste préférable surtout aux exclusions, aux rabougrissements, nécessaire surtout à faire face aux enjeux sociaux, écologiques que traverse la ville et qui surtout devraient chaque jour mobiliser l'ensemble de notre énergie. Et c'est pour cela que nous voterons contre ces exclusions et pour le maintien de ces collègues pour un travail collectif. Merci. Moi, ce que j'aime avec Édouard de Noël, c'est sa franchise légendaire. Alors, on va évoquer quelques sujets. On va évoquer quelques sujets, puisqu'il s'agit d'être rassemblés, il s'agit de ne pas faire tomber des têtes. En fait, qui m'a demandé en juillet 2021 la tête de la deuxième adjointe, El Amchaïr, à l'époque, en débarquant dans mon bureau à 4 élus, n'est-ce pas, monsieur Gabin, n'est-ce pas, monsieur de la Gannerie, n'est-ce pas, monsieur de Noël, Chokiadad n'est pas là. Qui m'a demandé la tête de la deuxième adjointe en juillet 2021 ? Qui m'a demandé la tête de l'ensemble du groupe Bagnolet en commun, Écolo Solidaire, au moment du débat sur Vert Dragon, cher Édouard? Qui m'a demandé la tête? qui m'a demandé la tête de l'ensemble du groupe écolo-solidaire au moment du débat sur Verdragon, après la prise de position de Jean-Claude Oliva sur le dossier Verdragon. Qui l'a demandé? Qui m'a demandé? Qui m'a dit « ils ne sont plus là » en mars 2021? Qui m'a dit « c'est moi ou lui ?» En fait, quand on cite les gens, il faut être précis. Qui m'a demandé en mars 21? C'est De Noël ou moi. L'élu en question ne siège plus au conseil municipal, mais en tous les cas, la directrice de cabinet qui était sa compagne a reçu des fleurs à l'issue d'un certain nombre d'épisodes, on va dire. Qui a demandé la tête de Jean-Claude? Qui a demandé la tête d'Edith? Donc en fait, le résumé de ce mandat, c'est qu'effectivement, j'ai essayé de faire travailler ensemble des gens qui se détestent. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Effectivement, il n'y a pas de secret. Le groupe socialiste l'a fait en juillet 2020, mais qui a demandé la tête de Jean-Claude Oliva lorsque Jean-Claude Oliva, en juillet 2020, a été élu vice-président à Est Ensemble et qu'il souhaitait conserver son poste d'adjoint au maire à Bagnolet? Qui, si ce n'est toi, cher Édouard? Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on fasse les grandes déclarations, les grands discours. Et qui a écrit la fable, la célèbre fable, elle est sur son blog, de Jean-Claude Oliva, concernant Bagnolet en commun? C'est Jean-Claude Oliva à propos de Bagnolet en commun. Donc, moi, je veux bien. C'est drôle, en fait. Moi, je veux bien qu'on réécrive l'histoire. En fait, il y a un pacte majoritaire. Le pacte majoritaire, il se retrouve dans le budget. Moi, j'ai plusieurs élus, j'ai deux élus, des écolos solidaires, qui m'ont dit que c'était un excellent budget et qu'ils étaient satisfaits des propositions qui étaient retenues dans le cadre de leur délégation. Au final, ces élus ont voté contre. Voilà, c'est factuel. Donc, à un moment donné, on vote contre le budget, on sort. Et dire, cher Édouard, que tu l'as dit d'emblée, tu as dit, on était plusieurs témoins, Cédric était là, Vassindou était là, tu as dit, moi, c'est pas mon problème, c'est votre liste de premier tour. Ça, tu l'as dit, mais tu es allé un peu plus loin dans ta déclaration, parce qu'effectivement, lorsqu'on se fait filmer, on va un peu plus loin. Donc voilà, donc ça, c'est factuel. Donc la leçon de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut construire un projet, mettre en œuvre et avancer sur la base d'un pacte majoritaire clair. Le pacte majoritaire, il se traduit chaque année dans le vote du budget. C'est le vote du budget qui est le pacte majoritaire. Rien d'autre. Donc à un moment donné, lorsque des adjoints, et c'est regrettable, je regrette que Jonji, qui était satisfaite de son budget, et je n'ai rien à titre personnel contre Jonji, je regrette que Jonji ait voté contre un budget qu'elle appréciait. Je regrette que Valérie ait voté contre un budget qu'elle appréciait, puisqu'ils ont eu l'occasion de me le dire. Voilà, je le regrette. Maintenant, c'est factuel. À un moment donné, lorsqu'on vote contre un budget et qu'on est en délégation, on sort. Et j'en suis le premier désolé. C'est pareil dans toutes les collectivités. Alors peut-être que je suis en minorité sur ces délibérations. En attendant, le budget a été voté. C'est bien le principal. Et d'ailleurs, c'était l'objet de tes désaccords avec Jean-Claude lorsque vous vous êtes vus à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, tu nous l'as dit toi-même. C'est-à-dire, tu as fait un effort de transparence formidable. C'est qu'en coordination de la majorité, tu nous as donné par le détail le compte-rendu de ton entrevue chez toi avec Jean-Claude. Et j'invente rien. On était plusieurs. Et on n'a rien demandé. Donc, tu nous as expliqué ce que tu avais expliqué à Jean-Claude, et c'est ton droit. Et tu nous as expliqué ce que Jean-Claude t'avait expliqué. Voilà. Et tu nous as même dit que le mardi soir précédant le vote du budget, Jean-Claude t'avait rappelé pour essayer de te convaincre de voter contre. Voilà, c'est factuel. En fait, à un moment donné, toutes les postures font loi ici, mais il y a un truc très simple. C'est si on n'approuve pas le budget, on rend sa délégation. J'en ai connu par le passé des gens qui ont voté contre le budget, qui rendaient leur délégation. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, il ne va pas y avoir mort d'homme si les collègues en question restent maires adjoints sans délégation. Pendant longtemps en Italie, puisque Mohamed citait l'exemple italien, pendant longtemps en Italie, il y avait des sous-secrétaires d'État ou des ministres sans portefeuille. Voilà. Eux étaient indemnisés. Là, on aura des adjoints sans portefeuille et sans indemnité. Voilà, tout simplement. Après, on peut réécrire tout ce qu'on veut. Mais en fait, lorsqu'on porte des positions politiques, lorsqu'on demande la tête de collègues, l'assume publiquement. On l'assume publiquement. Et donc, c'est facile de réécrire au bout de 5 ans, qu'on divise, etc. Voilà, moi, je t'ai cité des faits concrets, factuels, qui sont facilement vérifiables et qui sont vérifiés. Voilà, tout simplement. Vous avez la parole. Jean-Claude. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord remercier Édouard de Noël et son groupe pour leur franchise et leur sens des responsabilités. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, c'est de notoriété publique, mais nous pouvons nous retrouver pour l'essentiel. Tout d'abord, une remarque sur la forme par rapport à ces demandes de retrait. Ce n'est pas la première fois qu'Elam, Cher et Edith Félix se voient retirer leur délégation. Pour Edith, c'est la troisième fois. Les autres fois, il n'y a pas eu de passage au conseil municipal. Quand on ne vienne pas nous dire que c'était des retraits temporaires, le retrait temporaire n'existe pas dans le code des collectivités locales. D'ailleurs, il a fallu que le maire prenne un nouvel arrêté à chaque fois pour leur redonner leur délégation. Si le maire répond aujourd'hui à une obligation légale, c'est qu'il n'y a pas répondu. Ça veut dire qu'il n'y a pas répondu les autres fois. Sur le fond, nous n'avons pas l'intention de démissionner. Nos adjointes, nos conseillers municipaux délégués n'ont pas l'intention de démissionner et nous voterons tous pour le maintien de nos adjointes. Pourquoi ? Nous avons voté contre le budget et nous critiquons la gestion brutale du maire qui ne cherche pas à construire à partir des opinions différentes mais qui veut imposer ses décisions arbitraires par tous les moyens. Même quand elles avaient encore leur délégation, le plus souvent, nos adjointes n'avaient pas les informations nécessaires. Le maire signait des documents dans leur dos, elles étaient systématiquement court-circuitées. Bien entendu, ce système ne fonctionne pas. Tout coince à la ville de Bagnolet, car toutes les décisions doivent passer par un canal très étroit, tout est retardé, tout est long, cela nuit à l'efficacité de l'action municipale. Et les décisions du maire ne servent pas Bagnolet, mais elles lui servent à durer. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir ce sentiment. Même si nos collègues de Bagnolet en commun ont voté pour le budget, j'ai bien entendu, et je l'ai re-entendu encore ce soir dans la bouche d'Edouard, qu'ils partagent les mêmes critiques de fond que nous sur la gestion du maire. Dans ces conditions, accepter la perte de nos adjointes reviendrait à donner une prime à celui qui est le principal responsable de la division et du naufrage de la majorité de gauche et écologiste de 2020. Il n'est pas vrai que le maire et son groupe représentent à eux seuls la majorité de 2020. Cette majorité n'existait qu'avec nous, les écolos solidaires, avec Elam et Amit Cher qui ont quitté le groupe du maire pour former avec nous le nouveau groupe écolos solidaires citoyens et radicaux, avec Anne Gerval qui était dans le groupe du maire, avec le premier adjoint Olivier Taravella qui a démissionné du conseil municipal il y a 2 ans. Et bien entendu avec le groupe Bagnolet en commun avec lequel nous nous étions alliés pour le second tour. Sans légitimité démocratique, sans réelle majorité, un maire responsable en tirerait les conclusions et démissionnerait. Comme vous le savez, notre groupe est particulièrement attaché à l'union des gauches et des écologistes qui sont trop divisés et depuis trop longtemps dans notre ville. En 2020, pour contrecarrer cette tendance à la dispersion, nous nous étions alliés dès le premier tour au maire en espérant créer un mouvement plus large. Nous avons hélas pu constater tout au long du mandat que le maire était un puissant facteur de désunion des gauches et des écologistes. Aussi, nous souhaitons son retrait lors des prochaines élections municipales pour que l'union la plus large des gauches et des écologistes redevienne possible. Nous allons prendre toutes les initiatives dans ce sens. Quelques mots avant de céder la parole à Vincent Doucissé. En fait, venant de toi, cher Jean-Claude, et sans vouloir injurier personne, je pense que lorsque tu parles de division, je pense que nos collègues du BIC sourient. Lorsque tu parles de facteurs de division ou de diviseurs, nos camarades communistes sourient aussi. Et d'autres sourient beaucoup, Jean-Claude. D'autres sourient beaucoup aussi. Vassindou sourit, mais il sourit jaune. Mariem aussi. Parce que nous expliquer que des collègues nous quittent, c'est oublier que des collègues t'ont quitté. Des collègues t'ont quitté. C'est curieux quand même que ce soit Vassindou et Mariem qui t'aient quitté. Voilà. Donc Vassindou, tu as la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais laisser dire un certain nombre de choses de la part de Jean-Claude, je ne peux pas laisser passer. Faire croire que le maire, c'est le grand méchant loup et que lui, c'est un gentil, ce n'est pas vrai. Jean-Claude, ce n'est pas vrai. Le grand méchant loup, c'est bien toi. C'est bien toi, Jean-Claude. Le gourou, c'est toi. Ton groupe a un fonctionnement de gourou. Tu es irascible. Dans ton groupe, tu ne nous as pas respectés, Mariem et moi. Je n'ai pas connu Mariem, moi, avant de rentrer dans le groupe École Solidaire. Je l'ai connu au sein du groupe. Mais pourquoi n'est-elle pas restée quand j'en suis parti? C'est par rapport à ton attitude. Nos premiers désaccords datent du fait que j'ai commencé à travailler avec Édouard Desnoël et Frédéric Gabin sur la disparition des cours d'école. Bien que n'étant plus maire adjoint, tu voulais que je continue à te rendre compte pour tout ce que je faisais. Parce que j'étais ton larbin. J'ai un courrier qui peut en attester, que je peux rendre public devant tous les bagnoletais. Où ils vont découvrir ton vrai visage, Jean-Claude. Tu es un gourou, il faut l'assumer. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mohamed Jenan. Merci, monsieur le maire. Il nous est demandé ce soir de nous prononcer sur des retraits de délégation et la nomination de nouveaux adjoints. En tant qu'élu d'opposition, nous tenons à rappeler que ce débat relève d'abord des équilibres internes à la majorité. Et quand je dis majorité, je pense Parti socialiste, Banoulé en commun, les écolos solidaires jusqu'à un certain temps et le groupe citoyen. Ils ont voté tous les budgets. Donc ils sont comptables du bilan de cette majorité. Et il ne nous appartient pas d'intervenir dans ces réajustements qui concernent l'organisation de votre équipe. Dès le début du mandat, on l'a dit à cette majorité et on a exprimé nos réserves sur le fonctionnement de cette majorité. Ce qui se joue aujourd'hui en est, selon nous, une nouvelle illustration. Nous ne souhaitons donc pas être associés à ces choix internes et nous nous annonçons qu'on va s'abstenir. Je vous remercie. C'est Hamid Chahir, Cédric Pape et vous. Alors, en complément, Sébastien Salet. Non, très rapidement, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Juste pour compléter quand même ce que vient de dire au nom de notre groupe, Mohamed, il est vrai que nous assistons à un spectacle navrant ce soir. Vous en avez tous conscience quand même. Il y a quand même des citoyens qui, peut-être, ont pris le temps de nous regarder ce soir. Et c'est un règlement de compte général. Des prises de conscience très tardives pour les uns, pour les autres. Une énième crise d'autorité, toujours avec les mêmes ressorts, c'est domination, pression, je prends, je retire. C'est ce qu'il y a de plus navrant dans la politique. On est en train d'assister à une pré-campagne électorale, peut-être ce soir au sein de ce Conseil. Chacun veut se positionner, chacun oublie les fonctions pour lesquelles il a été investi et les raisons pour lesquelles nous sommes tous ici ce soir, une nouvelle fois. Je pense que là, c'est presque pitoyable. Le mot est trop fort, mais je pense que, en tout cas, c'est très navrant. Et c'est navrant. Et il est vrai que par rapport à cette délibération, la question s'est posée et on y a réfléchi. Est-ce que nous allions voter contre ou est-ce que nous allions nous abstenir? Le pour était tout à fait impossible, bien évidemment, et ça fait l'objet de débats. Donc on a débattu. Il est vrai que, est-ce qu'on cautionnait une nouvelle fois une volonté vous appartenant et, vous l'avez justifié par rapport à l'envol du budget, mais ça, c'est une technique. On vient de le voir, on vient de le constater. C'est un chemin qui a été suivi, que vous avez parcouru pour en arriver là aujourd'hui. Je pense que c'est navrant pour Bagnolet. Et j'espère qu'on va arriver à trouver des solutions pour la prochaine mandature permettant de travailler avec intelligence et respect des uns, des autres et des fonctions des uns, des autres. Voilà. Je vous remercie. Je voulais redire, en fait... Il est faux de dire que les élus ont interdiction, que l'administration a interdiction de travailler avec les élus. Les élus travaillent, comme ils le souhaitent, régulièrement avec les directeurs. Les élus chargés de l'éducation voient tous les vendredis la direction de l'éducation. Personne n'a dit à la directrice de l'éducation Vous ne voyez pas Édouard de Noël ou Frédéric Gabin? M'entendre dire par Jean-Claude Oliva qu'on a empêché Edith Félix de travailler, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Edith Félix a pu travailler comme elle le souhaitait avec les directeurs. Je rappelle que toutes les décisions, tous les paraffeurs passent par les élus en charge d'une délégation. Et j'ai même infligé à mon cabinet et à la Direction générale des services techniques et au directeur de la voirie 2 réunions par mois avec Edith. J'aurais infligé cette souffrance, des réunions de 2 heures chaque vendredi matin. Donc à un moment donné, dire qu'on a empêché les gens de travailler, c'est du mensonge et c'est du fantasme. Ami Tchaïa. Alors, monsieur le maire, chers collègues, chers habitants de Bagnolet, il y a des conseils municipaux où l'on débat d'idées, de projets d'avenir. Et puis, il y a ceux où, au lieu de construire, on cherche à punir politiquement des élus qui ont osé exercer leur liberté de vote, leur liberté de conscience, en refusant un budget que nous estimions insincère, déséquilibré et dangereux pour l'avenir de notre commune. Et je ne vais pas en revenir sur mon analyse lors du vote du budget. Oui, nous avons voté contre le budget. Et cela ne vous a manifestement pas plu, monsieur le maire. Et puis, nous faire payer notre indépendance, vous avez décidé seul dans votre bureau d'abroger nos délégations le 7 avril 2025 dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration, sauf à nous dire, lors du conseil municipal, de bien vouloir démissionner, et pire encore, avant même que le conseil municipal ne se prononce, vous avez fait éditer une nouvelle affiche institutionnelle excluant de facto les élus concernés en nous reléguant dans l'opposition, comme si vous étiez seul à décider qui est dans la majorité ou non. Je me permets d'ici de vous rappeler quelques principes juridiques fondamentaux. La jurisprudence du Conseil d'État, notamment à l'arrêté du 16 juin 1995, est constant sur ce point. La fonction d'adjoint est indissociable de l'exercice effectif d'une délégation. Maintenir un adjoint sans délégation revient à dénaturer son rôle, contourner les textes et détourner l'esprit de la loi. C'est un abus de pouvoir manifeste. De plus, pendant que certains conseillers municipaux, eux, se voient confier des délégations actives, il est juridiquement inacceptable de laisser des adjoints de au maire sans aucune délégation. Cela va à l'encontre du principe d'égalité entre les élus et du fonctionnement normal de l'exécutif local. En conséquence, maintenir cette situation reviendrait à entretenir une inégalité flagrante, à affaiblir le fonctionnement démocratique du conseil municipal et à manquer de respect au suffrage universel qui nous a élus. Je vous le dis calmement, vous n'êtes pas le propriétaire des mandats des élus, vous n'avez pas le droit de confisquer les écharpes, car ces écharpes ne nous appartiennent pas. Bah toi, t'en as pas. Elles appartiennent aux Bagnolais qui ont élu ces 4 femmes pour un mandat de 6 ans. Vous n'avez pas le droit de les traiter comme des parias pour avoir eu le courage de vous dire non. D'ailleurs, cette question de maintien dans les fonctions d'adjointe au maire est d'une hypocrisie rare. Vous écrivez dans le conseil, dans la note du conseil, je cite, « maintien ou non de madame dans ses fonctions d'adjointe », alors même que vous avez déjà acté leur mise à l'écart. Vous ne vous demandez pas un vote, mais vous exigez tout simplement une sanction. Mais moi, je vous pose une autre question. En quoi le retrait de ces délégations ou de l'écharpe nuit-il au bon fonctionnement de la municipalité? Depuis le retrait, ils ont continué à siéger en commission, à faire les astreintes, à célébrer les mariages, à représenter la ville dans les conseils d'école, etc. Parce que je vous rappelle qu'elles ne sont pas là pour une indemnité, comme vous dites, mais pour les Bagnolais, et elles continueront à l'être avec ou sans votre approbation. À celles et ceux qui s'apprêtent à voter cette exclusion, je vous le dis, et regardez bien ce que vous validez, pour moi une dérive autoritaire et une atteinte à l'équilibre démocratique. Je tiens à souligner par ailleurs que les adjoints visés par cette procédure sont toutes des femmes. Est-ce un hasard? Peut-être. Jean-Claude n'est plus adjoint depuis juillet 2020. Peut-être. Sinon, il aurait été concerné aussi. Ah ouais, mais là, bon, c'est que des femmes. Et toi, alors, tu ne l'as pas été. Ah non, mais là, aujourd'hui, malheureusement, c'est que des femmes. Donc, c'est peut-être un hasard, je ne sais pas. Mais dans une République qui se veut égalitaire, où l'on milite pour la parité, la reconnaissance des femmes en politique, ne peut se réduire à l'exclusion silencieuse dès lors qu'elles affirment leur autonomie. En fait, on n'est pas responsable de leur vote. Ces femmes ont été élues. Je n'ai pas coupé la parole, je suis en train de. Après, je te laisserai parler. Amine Chahir, seul. Merci. Après, tu auras la parole, donc tu pourras. Donc, ces femmes seules ont été élues, investies, engagées, et leur mise à l'écart, suite à un vote contre le budget, constitue une atteinte non seulement de la démocratie, mais aussi à la reconnaissance légitime de leur engagement public. Ce conseil devrait être le lieu de l'exemplarité, pas celui du recul en matière de représentation féminine. Enfin, sachez que les élus visés par cette procédure injuste n'ont aucune intention de céder à la pression ni de quitter leur place. Et si vous continuez dans cette voie, nous pouvons faire une demande pour mettre aussi à l'ordre du jour, comme je l'avais écrit il n'y a pas très longtemps par mail, le moment venu, la question du maintien du maire lui-même dans ses délégations. Ça ne nous a pas échappé. Dans la fonction, bien que vous gardiez, bien évidemment, les principales délégations telles que le pouvoir de police, l'état civil et la gestion personnelle. Le permis de construire, c'est Cédric qui les signe. Mais c'est, sachez c'est que pas nous encore toi, heureusement. C'est pas moi. Mais sachez que nous avons aussi le pouvoir d'initier un vote contre vous. Donc voilà, je tiens à vous rappeler l'exemple, comme je l'avais dit, de la commune de Crône dans l'Essonne, où le maire de la ville, M. Michael Diamiati, a été privé de ses délégations par le conseil municipal, contesté par les élus en raison de son exercice solitaire du pouvoir. Il a perdu ses délégations à la suite du conseil municipal le 24 juin 2024. On est le 26, Jean-Claude, il n'avait pas lu, avait pas vu cette partie-là dans ton mail à l'époque. Il nous a dit qu'il n'avait pas vu. Ah, mais à la demande, donc, car une délibération peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande d'un tiers des élus du conseil municipal. Pour certains qui ne le savent pas, on peut l'exercer. Cela montre bien qu'il n'y a pas que vous qui pouvez retirer des délégations comme bon vous semble. Le respect des principes démocratiques et de la collégialité est essentiel dans l'exercice de nos fonctions. Et il est primordial de ne pas en abuser. Ce conseil municipal marquera une étape, celle où des élus debout auront rappelé que la démocratie locale ne se résume pas à obéir à un chef, mais à servir les bagnoletais. Merci. En fait, Ami, tu as dit toi-même ce qui est important. C'est en fait là vous apprêtez à faire en sorte que 4 autres femmes de la majorité ne deviennent pas adjointes. Tu vois, parce que le principe, c'est que si les 4 à qui l'on retire de la délégation sont des femmes, les 4 qui vont monter sont des femmes. Donc je t'invite à appliquer toi-même les principes paritaires d'égalité que tu viens de vanter et à faire en sorte que 4 femmes, 4 autres femmes, puissent devenir adjointes au maire dans un prochain conseil municipal. Tes leçons de droit, tes leçons de finance, le budget est insincère, ce n'est pas l'avis du préfet. Le préfet n'a pas déféré le budget, donc le budget s'applique. Et donc, tu as le droit de considérer, de par tes compétences... C'est normal, il était voté. Ou de par de ton manque de... Mais non, pas du tout. Par ton manque de compétences, tu as le droit de considérer que le budget est insincère. C'est pas l'avis du préfet. Voilà. Donc, le budget qui a été voté est sincère et s'applique. Quand le budget a été voté, le préfet, il a... Il n'y a pas de sujet pour lui. Hein. Donc, pour lui, tant que c'est voté, ça continue. Non, mais en fait, je pense que tu as oublié... Je pense, cher Hamid, que tu as oublié l'épisode du budget 2021 où notre budget a été déféré par le préfet parce que nous ne respections pas les ratios prudentiels à l'époque. Je pense que tu as oublié cet épisode. Non, et pour un spécialiste des finances comme toi, c'est plutôt inquiétant. Ensuite, tu confonds délégation et fonction d'adjoint. Voilà, donc on vote contre le budget, on retire les délégations, le bon fonctionnement de l'administration. Mais comment envisager un fonctionnement normal de l'administration si des adjoints qui ont voté contre le budget primitif sont censés le mettre en œuvre ? Il faut m'expliquer la cohérence, en fait. Comment mettre en œuvre un budget contre lequel on a voté ? Ça n'existe nulle part. On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Ah non, mais on est d'accord avec un budget. Tu vois, il y a un budget, on l'applique. Ce n'est pas mon budget, c'est le budget de la ville de Bagnolet. Mais si on n'est pas d'accord avec le budget Eh bien, on vote contre, on sort. Bah alors, on n'est pas en dictature que ça. C'est ça. On n'est pas en dictature. Et puisque tu disais que... On n'est pas en dictature et on est là pour échanger. Puisque tu disais que je n'ai pas sollicité les adjoints. Je vais te lire le mail que j'ai adressé le 4 avril dernier à chacune des collègues concernées. Cher Edith, depuis 2020, tu fais partie de la majorité au Conseil municipal. Dès le premier tour des élections municipales de 2020, tu as choisi de rejoindre la dynamique que nous avions initiée autour du collectif Bagnolet solidaire et durable. Depuis notre élection, tu as été solidaire de l'ensemble des décisions de la majorité municipale. Solidarité que tu as exprimée, notamment en votant l'ensemble des budgets et décisions modificatives présentées en Conseil depuis 2020. Hier, en conseil municipal avec ton groupe, tu as fait le choix de voter contre le budget primitif 2025. C'est pourtant bien du pacte majoritaire dont il s'agit. Comme le disait hier ton coprésident de groupe, le vote du budget, c'est un acte politique majeur. Vous avez expliqué le vote de votre groupe, notamment en critiquant un budget insincère, un manque de transparence, une approche comptable déconnectée, des anomalies comptables, une bombe à retardement, une fuite en avant, une construction artificielle qui ne repose sur aucune base saine. Comme précisé hier, tu as donc bien fait le choix de te placer en dehors de la majorité municipale. C'est ta liberté, j'en prends acte. Dès lors, je te remercie de m'adresser d'ici lundi 10h ta démission de tes fonctions d'adjointe ainsi que ta renonciation à la délégation que je t'ai confiée en l'absence de retour de ta part, je procéderai au retour de ta délégation, bien à toi. Voilà, donc on vous a sollicité, vous n'avez pas souhaité répondre. C'est factuel. Le mail, il date du 4 avril, c'est le lendemain du Conseil. Cédric Pape. Chers collègues, donc effectivement, vous l'aurez tous compris, on délibère ce soir sur le maintien ou non des fonctions d'adjoint au maire de Edith Félix, Anne Gerval, Ella Hamshaïr et Janji Biro. Ces élus siègent désormais parmi l'opposition, on peut le voir physiquement, et ont décidé sciemment de ne plus soutenir l'action de la majorité municipale en votant contre le tout dernier budget municipal. Certains observateurs politiques pourraient ironiser que cela arrive un peu tard, voire au dernier moment, comme par hasard, surtout juste avant les élections municipales. Personne n'est vraiment dupe de ce qui se passe ce soir. D'ailleurs, il n'y a aucune surprise, contrairement à ce qu'a pu dire notre collègue Chaillard. En tout début de mandat, lors du premier bureau municipal, le tout premier, pour ceux qui n'ont pas l'habitude en fait, des débuts de mandature politique, les règles du jeu ont été rappelées par mon prédécesseur. Et comme l'a dit Monsieur le maire à l'instant, voter contre le budget revient à se mettre automatiquement dans l'opposition, car c'est un acte de politique majeur. Et ce n'est pas une situation inédite. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous ont cité des choses qui se sont passées dernièrement lors du premier semestre 2025 dans différents conseils municipaux, c'est le moment ou jamais, très clairement, parfois, d'afficher politiquement son opposition pour construire une liste plus tard. On est complètement dans le cas. Je pense qu'on sait tous ce qui se passe dans la ville, c'est un secret de polichinelle, et si on peut parler un peu franchement au sein de ce conseil municipal, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, il ne s'est rien passé en mars de différent de d'habitude. Vous avez voté 5 fois le budget, et d'un coup, vous votez contre. Donc il y a bien quelque part une malice. Je précise, en tant que PRG, j'ai pas voté budget. Mon cher. J'ai toujours abstenu. Cédric Pape seul. Allez. Tu vois la brutalité qu'on parle depuis tout à l'heure, elle s'exprime. Non, Hamid. Cédric Pape seul. Mais moi, j'aime bien quand tu t'exprimes comme ça parce que tout compte fait, tu montres ton vrai visage. C'est-à-dire que tu fais des leçons de morale à tour de bras. Tu m'as fait une leçon de morale tout à l'heure que j'ai respectée parce que tu avais raison et tu n'as pas pu t'empêcher et tu recommences à l'instant là à couper la parole et à pas respecter la distribution de parole du maire. Donc applique-toi déjà à toi-même les règles qu'on se fixe en conseil municipal et tu sortiras grandi de ce conseil municipal. Les mêmes règles existaient par exemple sur l'urbanisme. On va se regarder droit dans les yeux, Hamid. Il a fallu que j'intervienne plusieurs fois en bureau municipal pour dire que les élus n'avaient pas le droit de monter au 6e étage pour traiter des points d'urbanisme de manière particulière. J'ai été obligé de demander au chef de service, à la directrice de l'urbanisme de l'époque, de ne plus te recevoir. Donc, Tu vas apprendre à souffrir. Donc ces règles-là... En fait, on n'a pas le droit de consulter un permis un permis qui est en cours d'instruction est dans le secret. Et c'est dommage que Pierre Vionnet ne soit pas là ce soir, parce que je pense qu'on aurait été complètement d'accord sur ce sujet-là. Donc, les règles, elles sont valables pour tout le monde et pour toi le premier. Ces élus dont on parle sont aujourd'hui sans délégation. Et c'est vrai, comme l'a rappelé Monsieur le maire, à la demande d'Edouard, d'ailleurs en coordination de présidence, leur a laissé le choix de démissionner pour qu'ils puissent partir, ou du moins pour qu'ils puissent quitter leur fonction d'adjoint au maire, peut-être avec un peu d'honneur. Ils n'ont pas voulu démissionner de leur fonction. Aussi, les délégations sont assumées par les collègues, occasionnant une surcharge de travail au détriment de la ville. Alors la question se pose. Elle a déjà été un petit peu posée, mais après on peut avoir une vision différente. Devons-nous mettre en difficulté la bonne gestion de la commune pour des tactiques politiciennes? De deux choses l'une. Soit nous restons avec des adjoints sans délégation, et c'est ce qui a l'air de se tramer parce qu'il y a eu des discussions dans les coursives, et la surcharge de travail va pénaliser la ville, je le dis très clairement et je suis enregistré et ça sera entendu par la population. Soit nous donnons, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, en réponse à Amit Chahir, l'opportunité à des conseillers municipaux, des femmes, quatre femmes, d'assumer avec envie et conviction sur les 9 derniers mois de nouvelles charges, de nouveaux pouvoirs. Alors à l'inverse d'Edouard, effectivement, je pense, soyons responsables, chers collègues. Edith Félix. Merci. Puisque le maire veut me retirer le statut d'adjointe, et tant qu'il ne me retire pas encore la parole, je vais au moins la prendre une nouvelle fois. Je pense que M. Pape nous fait les choses à l'envers. Oui, on a vu, vous avez entendu, chère Bagnoletaise, chère Bagnoletais, que ma tête était apprise, que j'ai été empêchée de mener une politique municipale. Et le responsable principal, c'est celui qui anime l'équipe municipale, c'est le maire. Nous sommes à 6 mois des élections municipales, 8 mois. Il n'y a pas de honte à faire de la politique dans la ville et de dire qu'il faut changer ce qui, en tout cas, changer d'équipe et changer ce qui entrave la politique municipale. J'ai été élue dans une équipe municipale pour apporter un soutien actif au maire et mener une politique écologique et solidaire. J'ai été investie d'une délégation au transport, mobilité, voirie et eau dans la ville. Puisque j'ai du public, je dis un peu la politique, ce que c'est, ce que ça représente. Hein. Le volet transport et mobilité est un volet déterminant d'une politique sociale pour l'accès à tous à la mobilité et pour un environnement plus sain pour toutes et toutes, y compris celles et ceux qui ne choisissent pas leur lieu d'habitation, par exemple en bordure de l'autoroute A3. Le reste de la délégation est fondamental pour transformer l'espace public, encore une fois pour un espace plus sain, plus vivable, plus arrosé, plus frais et mieux adapté aux nouvelles mobilités. Être élu délégué, c'est comprendre la direction politique énoncée en début de mandat sur une politique écologique et solide, sur un secteur particulier. C'est incarner avec le maire une volonté politique de la déployer et c'est cette volonté qui permet de déclencher, d'entraîner l'action et dépasser les difficultés. Et c'est aussi connaître le territoire ou les acteurs de la ville pour articuler avec opportunité les grandes lignes de la politique sur des projets concrets. C'est être en relation avec un ensemble d'autres acteurs extramuros, partenaires des politiques publiques, le département, Île-de-France Mobilité pour ce qui me concerne, etc. C'est enfin servir les habitantes et les habitants, les écouter, les associer aux nouveaux enjeux de transition écologique pour les faire participer aux décisions et aux projets qui ont lieu pendant le mandat. Assez vite, j'ai senti qu'il n'y avait pas chez le maire de volonté pour une politique écologique, ni intérêt d'ailleurs, ni compréhension des enjeux sur le terrain. Lors de la réfection de la rue Grain-d'Orge, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour faire valoir l'intérêt d'une transformation écologique de l'espace public et pour éviter la réfection de la rue à l'identique, comme prévu par le plan initial. Sur l'impasse de la Duisse, je n'ai pu éviter une réfection classique, toute d'asphalte, sans ajout de dispositif pour la prise en compte des ruissellements et d'eau pluviale. Et comme attendu, les riverains en contrebas ont été rapidement inondés. Il a fallu refaire des aménagements ultérieurement. J'ai insisté pour la création d'un comité vélo et mobilité douce. L'engouement pour le vélo avait pourtant permis de créer une belle dynamique dès la mi-2021, avec des réunions régulières, l'initialisation d'un plan vélo, des plans même proposés pour une piste cyclable avenue Gambetta. Le plan vélo, développé par un prestataire, est dans un placard car aucun plan d'action n'y a été joint. Le maire m'a interdit de prendre contact directement avec le département ou toute autre organisation hors de la ville, mais ne prend pas en charge ce dialogue pourtant nécessaire. Bref, nous sommes en 2026, les travaux commencent tout juste avenue Gambetta et le comité vélo est mort. Avec Île-de-France Mobilité, ça n'avance pas fort. Le maire, encore une fois, interdit à l'élu une relation directe, ne répond souvent pas à mes sollicitations, se contente d'écrire des courriers sans suivi ni réunion de travail. Il faut dire aussi que je suis déléguée intermittente. Ce serait comique si ce n'était pas dramatique. Donc le maire m'a retiré 3 fois mes délégations, entre septembre 2023 et le 30 octobre 2023, puis entre le 9 mars 2024, et oui, 9 mars, ça vous dit quelque chose ? Et le 15 septembre 2024, puis à nouveau, donc le 8 avril, et ça je le comprends, 2025. Et ça n'a pas aidé. Par exemple, pour les signatures, dans le mandat, dès les premières vacances scolaires, je ne figurais plus comme signataire des arrêtés de voirie, j'étais simplement incluse dans le circuit de signature. Et puis, au fil des arrêts et des reprises de mes délégations, je ne figurais même plus dans le circuit de signature. Mais à quoi bon ? Le retrait de délégation intervient à l'initiative du maire, mais il ne doit pas être inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Or, la principale entrave ici, c'est de priver les élus délégués de moyens de suivre et de faire progresser la politique municipale. Et ça, je le dis, je pense que c'est important. C'est l'entrave encore, c'est d'oublier de mener une politique dans la seule optique de durer. Ce que fait le maire. Ce sont des réflexes pour garder le pouvoir, mais qui portent préjudice à l'ensemble des bagnoletaises et des bagnoletais. Donc nous avons vu les entraves, nous les avons dites. Maintenant, il faut aller chercher de nouvelles personnes capables de porter de nouvelles façons de travailler, de porter une politique municipale et d'y associer les habitantes et les habitants. En fait, juste, je voudrais poser une question. Est-ce que il paraît normal à un élu de bloquer un bon de commande, de bloquer des bons de commande sur des projets en tant qu'adjoint, de ne pas en informer la direction générale, de ne pas en informer le maire, de ne pas en informer le cabinet du maire. Est-ce que ça existe dans une collectivité ? Vous êtes élu à la métropole, à Est-Ensemble. Est-ce que ça existe dans une collectivité où un élu bloque des parapheurs, des bons de commande, parce que ça ne lui convient pas sans en parler à personne ? Ah, c'est ce qui s'est passé avec toi, Edith, à plusieurs reprises. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Donc, en fait, à un moment donné, moi, je veux bien être le diable, mais dans une collectivité normale, lorsqu'on a un désaccord sur un sujet, on vient voir le maire, on en discute. Et c'est d'ailleurs, il n'est pas là ce soir, ce que Chouki Haddad a dit l'autre jour, le jour du vote du budget. Il a dit, moi, parfois, c'est pas simple, mais quand j'ai des trucs à aborder avec Tony, je vais voir Tony, on discute, on trouve des compromis. Voilà, c'est ça la réalité. Mais à un moment donné, quand tu bloques des bons de commande sans en parler à personne et que c'est toi qui as ensuite fait peser la responsabilité sur les directeurs, parce que c'est ça qui se passe, parce que les directeurs ensuite sont tétanisés. Qui est-ce qui est dysfonctionnel ? C'est moi ou c'est toi ? Quand à un moment donné, tu bloques des arrêtés de voirie parce qu'il ne te convient pas dans l'écriture, dans le, dans le sujet qui est dit fonctionnel, c'est moi ou c'est toi ? Certains problèmes sur un arrêté de voirie, tu viens en parler. Ça fonctionne partout comme ça, en fait. Partout, ça fonctionne comme ça. Voilà. Dire qu'on t'a empêché de travailler alors qu'on a mis en place des réunions de 2 heures, 2 fois par mois, le vendredi, c'est juste risible. La chose que je t'ai dite, et je le redis, les gens qui connaissent le fonctionnement des collectivités territoriales le savent, un adjoint au maire ou un conseiller délégué n'écrit pas au président du conseil départemental. Un conseiller délégué ou un adjoint au maire n'écrit pas à la présidente d'Île-de-France Mobilité. Il n'écrit pas au président d'Est-Ensemble. Voilà. C'est tout simplement, c'est des modes de fonctionnement. On a mis en place des formations au début du mandat. Ça n'a pas suffi. Mais voilà. Donc, qui est dysfonctionnel ? C'est moi ou c'est toi ? Voilà. Donc, c'est des choses que tu n'as pas voulu comprendre. Personne ne t'a interdit de faire des réunions, d'écrire. Mais à un moment donné, je te dis simplement, non, Edith, tu ne vas pas écrire à Stéphane Troussel. Le maire s'adresse à l'exécutif, s'adresse à l'exécutif. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça, les collectivités territoriales. Voilà, donc tu as un sujet abordé, on l'aborde, et souvent, et très souvent, les courriers en question, je te les ai fait relire. Je te les ai fait relire, je te les ai fait valider. Je te les ai fait valider. Dois-je encore vous montrer des traces ? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, moi, je veux bien être le diable, mais effectivement, on ne se lève pas un matin pour aller jeter des graines dans la rue Raoul Berton parce qu'on pense que le service Nature en Ville n'est pas assez compétent pour faire planter des herbes. Voilà, tu vois, ça, c'est voilà, je ne connais pas d'adjoint au maire qui va jeter des graines dans la rue alors qu'on a un projet d'aménagement d'une rue. Voilà, pardon, mais c'est comme ça. Émilie Trigo. Oui, quelques mots et je vais essayer d'être rapide et synthétique, mais il est difficile de ne pas réagir et rebondir sur certaines des choses que l'on entend et qui parfois sont très plaisantes. Jean-Claude, j'avoue que t'entendre dire que vous vous retrouvez sur l'essentiel avec Édouard, mais pas sur le budget, donc, c'est assez agréable. T'entendre dire aussi que ce que vous souhaitez, c'est être en accord et trouver l'unité, mais j'ai hâte aussi que tu sois en unité avec Édouard, aussi bien que tu l'as été l'année dernière sur les élections législatives. Chère Edith, toi, ta tête serait mise à prix. Alors, quand on fait semblant de prôner l'apaisement, on choisit aussi ces mots avec beaucoup plus de subtilité, je pense, que ceux que tu emploies ce soir. Sans être adjointe, et même en étant dans l'opposition, tu aurais la parole, rassure-toi, autant que pourraient en témoigner nos amis de l'opposition qui doivent ce soir trouver le temps bien long. Et là-dessus, je rejoins ce que vous nous avez déjà dit. Petite parenthèse, puisqu'il n'est pas de secret pour personne que les délégations de Mme Félix me sont une nouvelle fois revenues, vous serez donc heureux d'apprendre que le plan vélo a été étudié pas plus tard que la semaine dernière avec les services de la ville, le département et les représentants de Paris en selle. Donc ne vous inquiétez pas, le travail, malgré la surcharge, est mené. Enfin, on ne cherche pas à punir qui que ce soit ce soir. En revanche, on nous fait beaucoup de leçons de responsabilité politique. La responsabilité serait donc celle de voter contre un budget, mais de toujours souhaiter toucher une indemnité mensuelle pour mener la politique dont la ligne a été fixée par le budget contre lequel vous avez voté. Les Baigneultais apprécieront. Mais pour faire quoi ? La responsabilité, quand on est en totale opposition avec la politique qui est proposée pour la dernière année avant les élections municipales, ce n'est pas forcément celle de démissionner du conseil municipal. Cela, il ne vous l'a jamais été demandé. C'est de démissionner de votre poste d'adjoint, celui qui vous permet de faire semblant d'avoir un pied dedans, un pied dehors et de mener un peu la confusion auprès des habitantes et des habitants qui comprennent difficilement quels sont les tracts qu'ils retrouvent dans leur boîte aux lettres, ceux sur lesquels vous faites semblant d'être en direction de la mairie puisque vous êtes adjoint, mais par contre vous êtes quand même contre tout ce que fait la mairie. Hamid, tu parles de parité et d'égalité. Vraiment, merci beaucoup. Mais je te rassure, et monsieur le maire l'a bien dit, je vois Kaline Tribitch lever la main, elle le redira certainement aussi. Ce que vous faites ce soir, c'est empêcher 4 femmes élues et avec des délégations d'être adjointes et de pouvoir l'être pour les 9 mois prochains. L'égalité vous remerciera. D'autres, Kaline, Édouard de Noël et Kaline Tribitch. Tu veux parler avant ? Allez, vas-y. Très, très rapidement. Hamid, je vais répondre à ce que tu as dit effectivement sur la parité. Alors, c'était évident que cette cartouche-là, vous alliez nous la sortir ce soir. Hein, donc, de toute façon, j'étais prête. Comme l'explique Émilie, comment est-ce que vous pouvez essayer une seconde de faire croire que les quatre femmes qui vont donc perdre, probablement perdre leur délégation, seront remplacées par des hommes? Qui peut y croire une seconde dans cette salle ou regardant le Conseil en ville? Évidemment, elles seront remplacées par quatre femmes de chez nous. Donc ça, déjà, c'est un argument qui est, une fois encore, grotesque. Mais je suis habituée, vous l'utilisez à chaque fois. La mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations a décidément vraiment le dos large. La deuxième chose, c'est que moi, parmi les gens qui risquent de perdre leur délégation ce soir, j'ai de la peine et des regrets pour deux femmes notamment, pour qui j'ai vraiment du respect et de l'affection, c'est Gionji et Valérie. Et je pense que déjà, elles n'avaient pas envie de ça, qu'elles n'avaient peut-être pas besoin de ça non plus financièrement, de se faire couper une indemnité. Je pense qu'elles avaient de vraies ambitions et une vraie sincérité pour Bagnolet. Et j'en veux énormément à Edith et à Jean-Claude de les avoir mis dans cette situation, de les obliger à suivre et à partir dans le clan où elles vont perdre leur mandat. Parce que je pense que l'une comme l'autre sont des victimes collatérales et n'ont rien demandé. Et ça tombe sur des femmes. Du coup, je vais faire vite. J'étais un peu abasourdi des « tu m'as dit tel jour, telle chose, tu m'as demandé ». Rien de tout ça n'est vrai, mais c'est pas grave, je comprends mieux comment marche le rapport à la politique. Ah bon, tout est vrai. Ouais, il faut avoir du cran pour aller jusque-là. Je vais juste redire une chose. On a dit des choses claires sur le rapport à l'administration, sur le rapport aux élus. C'est pas anodin quand dans une ville, le premier adjoint part, la deuxième adjoint part, la coprésidente du groupe socialiste, etc., etc., et la litanie est longue. Dans le même chemin, les directeurs partent les uns après les autres. Et les directeurs, d'ailleurs, quand ils partent, ils aiment bien raconter comment ça se passe de l'intérieur et ils aiment bien expliquer les instructions qui leur ont été données. Donc oui, il y a eu des instructions à des directeurs pour ne pas travailler avec tel ou tel qui était en disgrâce, y compris les gens qui vous défendent beaucoup ce soir. Donc voilà, c'est bien de le dire. Nous, on est resté clair. On a voté le budget, on l'a assumé. On aurait pu faire des choses politiciennes, on aurait pu mettre tout le monde dans la panade. On ne l'a pas fait. On n'avait pas la même vision des choses. Et pour autant, je ne comprends pas pourquoi, dans cette liste de délibération, il faudrait enlever Gionji Biro de la maison de quartier de la Duise ou je ne sais pas quoi. On ne va pas se sanctionner les uns les autres. On travaille ensemble jusqu'à la fin du mandat. Et puis après, advienne que pourra. En fait, ce qui est formidable avec Édouard Denoël, c'est sa manière de réécrire l'histoire. C'est-à-dire, les faits que j'ai évoqués sont factuels. On a la date, les jours. Voilà, le jour, le vendredi matin, où Frédéric Gabin, Grégoire Delannay-Gannery et toi-même avez débarqué dans mon bureau. Oui, vous avez oublié. Non, mais moi, j'ai pas oublié. Bon, bref. Mais en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'on vient de voter une délibération à l'unanimité sur sort de terre. Et moi, je suis ravi qu'on ait voté à l'unanimité. Mais ces 15 derniers jours, tu es allé voir le directeur du patrimoine bâti. Il y a un mois, tu es allé voir le directeur du patrimoine bâti pour le questionner sur la question des squares. Tu es allé voir la directrice de l'éducation pour la questionner sur les squares. Tu es allé voir le directeur général des services pour lui dire qu'il y avait un casus belli de ta part concernant le fait que est-ce que Gillamard aura 1000 mètres carrés en plus. À un moment donné, Edouard, faut arrêter. Vous avez le droit de démentir, parce que c'est faux. Faut arrêter, Edouard, d'utiliser les gens. Il faut assumer. Il est gêné votre cadre derrière. Vous avez un rapport à la vérité qui est quand même. Edouard, c'est compliqué. Edouard, est-ce que tu as des réunions tous les vendredis matin avec la directrice de l'éducation? Pas tous les vendredis, mais oui. Voilà, merci. Donc c'est pas tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure, mais tu as des réunions. Donc personne ne t'empêche de travailler. Vous êtes le seul maire de France qui a désactivé des badges d'accès de ses élus parce qu'ils n'avaient pas bien voté la veille. Mais ça n'est vu nulle part. Ce qui est formidable, Edouard Denoël, avec toi. En fait, il faut se soumettre. Non, en fait, ce qui est formidable avec toi. Flagorner. En fait, ce qui est formidable avec toi, flagornerie, c'est ce qui te correspond le mieux. En fait, ce qui est formidable avec toi, c'est que tu n'assumes. Vous connaissez pas vraiment la définition du terme flagornerie. C'est comme quand tu balances un texto à Mamadou Sylla en plein conseil municipal où tu lui dis fais gaffe, cache-toi, tu vas prendre une balle de Tony. Je vais prendre la parole. En fait, Edouard. Tu n'assumes jamais rien. Donc, on va donner la parole. Qui a demandé la parole encore? Mamadou. Vas-y, Mamadou. On a Anne Jarval et Mamadou. Allez. Non, non, pas du tout. Anne Gerval, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Moi, les amis, franchement, je ne voulais pas prendre la parole ce soir parce que je trouve que ça n'était pas la peine. Par contre, je pense qu'il faut qu'on soit un peu cohérent parce qu'il y a des instances municipales. Moi, je me souviens du bureau municipal, lorsqu'on a présenté le budget, je me souviens que personne avait répondu aux remarques du maire. Quand le maire il a demandé est-ce que quelqu'un avait des remarques, personne n'a parlé. Donc, ce n'est pas lors du conseil municipal qu'on vote contre. Si on a quelque chose à dire, on le dit en amont et puis on règle ça au bureau municipal. On ne peut pas toujours être d'accord. Après, Edouard, un gros serpent, il essaie de faire semblant qu'il est à côté, il est avec vous, mais contre vous, avec la majorité, contre vous. En fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Il m'envoie un texto lors du conseil municipal, essaie de chauffer les esprits avec le maire, etc. Bon, je pense que là n'est pas le débat. En fait, on n'est pas là pour régler les comptes perso. Il y a des échéances politiques qui arrivent. C'est normal qu'on essaie de semer la confusion un petit peu partout, à droite, à gauche. Je pense que pour les... désolé pour vous, les camarades qui sont adjointes, je pense que pour rester en cohérence avec vous-même, si vous ne votez pas un budget, vous ne pouvez pas l'exercer, le mettre en œuvre. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, bah, je ne travaille pas. Si vous n'êtes pas d'accord dans une entreprise avec la direction générale ou le directeur général, il vous dit il faut faire comme ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez, vous partez. C'est simple. Aujourd'hui, personne ne force la main à personne. C'est-à-dire que vous restez toujours élu, vous êtes toujours des membres du conseil municipal. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas forcer à rester adjoint et en empêchant d'autres de monter pour pouvoir exercer leur mandat. Donc, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut être cohérent avec... on fait de la politique. Il faut être cohérent. Ça sert à quoi d'avoir une écharpe d'adjoint sans rien pouvoir faire derrière? Je pense que ce n'est pas cohérent. Et malheureusement, pour ceux qui ont voté contre, le budget est déjà passé. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir. Même si on sait que des collègues ne voulaient pas le voter. Enfin, ils voulaient plutôt le voter et je pense qu'ils ont suivi le groupe. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut faire des choix. Et malheureusement, il y en a qui l'ont fait et il faut l'assumer. Voilà. Merci, Mamadou. Anne Gerval. Bonsoir à tous. Alors, mon intervention ne sera pas aussi pertinente ni aussi tactique peut-être que chacun d'entre vous. Je n'ai pas de compte à régler avec personne. Je n'ai pas de vieilles histoires, contrairement à ceux que l'on peut entendre souvent, qui suscitent des ricanements, qui n'intéressent bien souvent pas les habitants et qui ne règlent rien des sujets qu'ils sont en droit d'attendre, sauf des plaisirs très personnels de ceux qui les racontent. Passer cette perte de temps, que retenir de ces arrêtés, pas grand-chose. Démonstration de force ou de faiblesse, c'est le droit. Mais c'est le résultat d'une incapacité à fédérer. La question est, peut-on fédérer dans la haine, l'insulte, dans le dédain, l'arrogance, dans le règlement de compte permanent? C'est tellement plus simple de diviser, d'ignorer, de feindre, de ne pas informer, de traiter à la place de se moquer, de ne pas répondre, ou incomplètement. Eh bien oui, c'est possible de détourner l'attention, de promettre, de s'arranger, de faire adhérer tout cela par intérêt, par... Je suis tellement fatiguée. pardonnez-moi. Non, je reprendrai pas. J'ai pas l'ordre de tout. Non, je vais essayer d'y aller. Eh bien, c'est possible de détourner l'attention, de promettre, de s'arranger, de faire adhérer. Tout cela par intérêt, par fierté, pour un pouvoir aussi petit soit-il. On ne peut pas comprendre, ou parfois bien, trop bien, car quoi qu'il en soit, cela marche. Et l'on parlera d'égalité, d'indépendance. On soutiendra de vraies fausses causes juste pour être dans le coup, ou parce que cela se fait par ailleurs. Il est parfois légitime de se demander quelle est la part de sincérité, de vérité dans les actions, dans les relations surtout. Tout est toujours biaisé. Mais c'est normal, me dira-t-on, c'est ça la politique. Mais de mon ignorance, je réponds non. Ce ne sont que déviances transformées en normalité. Du temps perdu, des moments jouissifs pour ceux qui l'exploitent et s'en amusent. C'est bien triste et malheureux. Mais à qui profite le crime? C'est là que se trouve la réponse. Je ne vous la donnerai peut-être pas parce que je ne la connais pas. Gérer et être attentif aux demandes des habitants, cela restera. Et c'est ce que mon vote, même par procuration, faisait ressortir. Pour chaque sujet, on ne donne pas un simple avis personnel en levant la main, ni ne donne un soutien aveugle. Cette main levée, excusez-moi, c'est aussi la voix des bagnoletais mécontents qui ont reconnu que cette décision portait leur souhait. Il est certain que j'ai pu la lever sur des sujets dont j'ignorais les conséquences. Eh bien, sachez, vous, dont j'ai fait remonter les avis, que vous n'êtes pas les bienvenus, même si vous êtes parmi ceux qui avaient donné votre vote à la liste de la majorité à laquelle j'appartenais. Certains diront que je suis idiote et bien naïve, entre parenthèses, et je n'utilise pas les bons qualificatifs qui sont sans doute utilisés à mon encontre. Mais quoi qu'il arrive, je ne regrette pas de ne pas profiter. Je ne dis pas la suite, là. Enfin, élue, je n'ai pas changé ni ma volonté ni mon attachement aux habitants qui ont voté. Excusez-moi. Je n'ai jamais bénéficié davantage ni usé de cette représentation, car ce n'est ni dans la déontologie, ni dans l'éthique que je suis, ni dans l'intégrité que je suis. Et puis, il faut le dire, il y a toujours une personne qui relate les bénéfices que l'on a ou que l'on aurait pu obtenir. Je tiens à remercier les personnes comme Caline, Edith ou Grégoire qui ont défendu sincèrement leur sujet dans cet hémicycle. Excusez-moi. Je suis tellement fatiguée que... D'autres devraient sans doute l'être pour le travail qu'ils ont fourni sans pour autant avoir fait de présentation. Alors je les remercie car pour ma part j'attends encore certaines invitations dans certaines thématiques dont je n'ai jamais eu de retour pour terminer des sujets. Enfin, je remercie les agents avec lesquels j'ai pu travailler et échanger. Je remercie la directrice et les enseignants de l'école PVC dont le travail est superbe. Je vous remercie ici. Et pour rassurer ceux qui s'inquiètent de l'indemnité, je l'ai toujours réinvesti chaque année pour les agents de la propreté ou lors des baptêmes et mariages, pour que chacun puisse garder un souvenir de ce moment de la part de la ville. Excusez-moi. Merci. Merci. Vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? On passe aux voix. Donc, qui est pour le maintien d'Elham Chahir dans ses fonctions d'adjoint au maire? Ah, je me suis trompé. Non, c'est parce que j'ai dit pour. Voilà. Donc, qui est Marc Métro, on vote pour ou on vote contre? Formellement. Donc, qui est contre le maintien d'Elham Chahir dans ses fonctions? Je lève la main, là, ou pas? Qui est contre? Donc, vous êtes contre, levez la main. Qui est contre le maintien? Contre le maintien, c'est toi. Marc, comment on formule? Donc, qui est contre le maintien? Alors, toi, tu es contre. Donc, tu as bien levé. Qui est pour le maintien ? Qui s'abstient ? Donc, Madame Chahir est maintenue. Même vote pour Madame Félix, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient. Madame Félix est maintenue. Même vote pour Madame Gerval, qui est pour. Non, qui est contre, pardon. Qui est contre, qui est pour, qui s'abstient. Pour Madame Biro, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient. Donc les quatre adjointes sont maintenues dans leur délégation. Ah, on peut avoir le résultat des votes là, maintenant, on va détailler. Si on voulait détailler tout de suite, on va détailler. Rapport numéro 6, Association locale de l'énergie, ALEC, MVE, modification des représentants de la ville. Donc, il est proposé de rajouter comme suppléant Sébastien Gricourt, qui est pour, qui est contre. Qui est pour désigner Sébastien Gricourt comme suppléant à l'agence locale de l'énergie ALEC MVE. Voilà, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ah oui, parce qu'en fait... Voilà, on vous donnera les résultats des votes. Qui est pour... Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Non, juste une chose, parce que là, on a abordé, donc on a vu les votes sur les adjointes, on est en train d'aborder la deuxième partie où il y a encore 6 ou 7 délibérations. Je voudrais dire un mot sur ces délibérations-là qui suivent, là, qu'on a commencé à rejeter également. Concernant le remplacement de nos élus dans tous ces organismes, je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas d'obligation légale, contrairement au titre d'adjoint. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est une tentative de prise de pouvoir de la minorité municipale, puisque vous en minorité. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ça ne va pas dans le sens du bon fonctionnement de l'administration communale. Parce que je voudrais prendre juste un exemple, c'est les conseils d'école. Conseils d'école, c'est déjà difficile actuellement d'avoir un élu dans chaque conseil d'école, à chaque séance du conseil d'école. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de répartir tous les conseils d'école sur 15 élus seulement. Je trouve que c'est à vous donner tous les pouvoirs à une minorité plutôt qui est en train de se réduire encore comme peau de chagrin. Non. Et c'est pour ça qu'on va voter contre toutes ces délibérations. C'est la même cohérence, monsieur Oliva. Il ne s'agit pas de garder le pouvoir. En fait, il s'agit là, en l'occurrence, vous avez voté contre. Parce que pour l'agence locale de l'énergie, il y a un titulaire. Le titulaire, il s'appelle Édouard de Noël. Là, vous avez voté contre la désignation d'un suppléant. Donc, votre raisonnement est absurde, puisque Édouard de Noël, en tant que titulaire, va continuer à siéger. Donc, en fait, essayez d'adapter au moins vos interventions aux délibérations. Non, mais c'est... Donc, Édouard, et la délibération... Pardon, s'il vous plaît, pardon. Et la délibération suivante, c'est pareil. Les délibérations suivantes, c'est pareil. Il s'agit... Pardon. Je vous ai laissé parler, donc maintenant je parle. La délibération suivante, SIFUREP, donc syndicat intercommunal de la région parisienne pour le service funéraire. Le titulaire est Brahim Akrour. Le titulaire reste. Il s'agit de désigner un suppléant, en l'occurrence Cédric Pape. Le CIGEIF, syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. Le titulaire est Édouard de Noël. Et Édouard de Noël reste. Donc il est minoritaire ou il est majoritaire ? Donc Édouard de Noël reste titulaire au CIGEIF. Par contre, il s'agit de désigner un suppléant, en l'occurrence Sébastien Gricourt. Donc en fait, ce que vous dites est idiot. Voilà, c'est idiot. Voilà, c'est là, on désigne des suppléants dans des organismes où les titulaires restent. Et en l'occurrence, les titulaires, c'est Édouard de Noël, Brahim Akrour et Édouard de Noël. Donc ça ne tient pas à votre raisonnement. Votre raisonnement ne tient pas. Pardon, il ne tient pas. Donc je vous propose de voter. Alec, non, on vote maintenant. On avait lancé le vote. J'ai interrompu le vote pour que M. Oliva parle. Maintenant, Non, c'est pas de la toque, c'est la délib. Monsieur le maire, vous allez voter le syndicat mixte Autoliv Vélib dont je suis titulaire. On va y venir. Et tout. Et oui, mais on va y venir. Là, j'étais sur la délibération 6 et la délibération 7 et je démontrais le caractère absurde de l'intervention de monsieur Oliva puisque nous désignons des suppléants et que le titulaire reste et qu'encore une fois le titulaire à l'ALEC MVE s'appelle Édouard de Noël, que le titulaire au CIFUREP s'appelle Brahim Akour, et que le titulaire au CIGU s'appelle Édouard de Noël. Donc on ne fait que désigner des suppléants. Donc c'est je vous ai fait une intervention pour l'ensemble des délibérations, voilà. Mais donc si vous voulez que je vous en fasse pour une pour l'ALEC MVE, qui est pour désigner comme suppléant Sébastien Gricourt. Voilà, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient. Pour le CIFUREP, qui est pour désigner comme suppléant Cédric Pape, qui est contre, qui s'abstient. Pour le CIGIF, qui est pour désigner comme suppléant Sébastien Gricourt, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Nous arrivons maintenant au Conseil d'école. Au Conseil d'école. Donc, pour la maternelle capsulerie, tous les autres restent, hein, tous les autres représentants restent. Pour la maternelle capsulerie, il est proposé de désigner Yala Nadino. Pour la maternelle Jaurès, il est proposé de désigner Mariam Diop. Pour l'élémentaire PVC, il est proposé de désigner Jules Ragneau. Et pour l'élémentaire Joliot Curie, il est proposé de désigner Abdelkrim Karmaoui. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Ah, Yalana voulait parler. Vas-y, Yalana. Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Je tiens à exprimer à l'occasion de cette délibération, afin de vous remercier par avance de la confiance que vous m'accordez en me désignant pour représenter notre belle ville au Conseil de l'école maternelle Capsulerie. Je voudrais en profiter, monsieur le maire, pour m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, le caractère respectueux des relations que nous devrions avoir entre nous. Je tiens tout d'abord à rappeler que je suis une citoyenne de Bagnolet avant tout. Je ne suis pas encartée comme la majorité d'entre vous. Je m'occupe des missions que monsieur le maire m'a confiées. Pour rappel, je suis en charge de la délégation des seniors et depuis plus récemment des affaires sociales. Se faire à l'occasion des festivités, cela arrive à tout le monde, évidemment. Mais une fois, sans même un bonjour avec un « comment ça va la vieille ?» ou une seconde fois « bonjour, comment va la hanche en plastique ?» est-ce un comportement respectueux ? Je vous pose la question. Et je vous la pose plus particulièrement à vous, monsieur de Noël. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Est-ce du fait que j'ai un jour mentionné mon âge dans le cadre de l'avancée du projet du centre municipal de santé en évoquant la possibilité de pouvoir en bénéficier avant mes 70 ans ? Vous moquez-vous de ma délégation ? Est-ce du lagisme ? Vous moquez-vous des handicapés ? Est-ce du validisme ? Vous permettez-vous des remarques à moi seulement ? Je ne pense pas. Ou du moins, je ne l'espère pas. Que vous avez des paroles aussi étonnantes à l'encontre d'autres collègues. Sachez, quoi qu'il arrive, de s'occuper des personnes âgées est pour moi un honneur et que je n'ai pas à subir ou faire l'objet de quelconque forme de rabaissement ou de discrimination à ce sujet. Malgré les peaux de banane qui peuvent ici ou là être mises sur nos chemins, contre les vents et marées, je resterai engagée au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais et en fidélité avec la majorité municipale. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Oui, vas-y. Alors, je t'ai présenté mes excuses. Je t'ai dit que c'était le sobriquet que j'utilisais parfois avec Brigitte. Je n'aurais pas dû le faire, nous n'étions pas assez proches. Je le retire, je te présente mes excuses. C'est trop facile. Merci. Bon, on passe au voix. Merci Yalana. Donc on dit, Yalana Dino, maternelle Capsulerie, maternelle Jaurès, Mariam Diop, PVC Jules Raguenaud, élémentaire Joliot, Abdelkrim Karmaoui, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Conseil d'administration d'établissement scolaire de la ville, il s'agit de désigner en suppléant à Polizère Jules Raguenaud et en titulaire à ENAF Merlane Georges, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Levez bien les mains, s'il vous plaît. Comité stratégique de la Société du Grand Paris, il s'agit de désigner Vincent Doux-Cissé pour nous y représenter, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Conseil d'administration de l'association Maison de quartier de la Duise propose d'y désigner Sébastien Gricourt en plus de Cédric Pape et d'Abdelkrim Karmaoui, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Syndicat mixte Autolib et Vélib Métropole proposait de désigner Émilie Trigaud et de garder en suppléante Anne de Rugy, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est bon ? Vous nous donnez les résultats ensuite ? Ils vont nous donner les résultats. Délibération suivante, délibération classique à ce stade de la période, c'est délibération qui concerne les locations de salles municipales pour les partis politiques, associations constitutives de programmes et de listes ou de candidats dans la perspective des élections municipales. Est-ce que vous avez des observations ? Monsieur Stalens. Non, très rapidement. Quand on parle de faire vivre la vie démocratique, c'est les élections sont le moment idéal pour ça. Et il faut qu'on puisse accueillir les gens qui s'intéressent justement à la politique dans de bonnes conditions. Et j'espère qu'on pourra tous avoir, tous les groupes, en tout cas toutes les personnes qui vont être en concurrence dans cette municipale, pour obtenir des conditions d'accueil pour leurs électeurs futurs, en tout cas leurs participants, identiques, tout simplement. Qu'il y ait une forme de parité que certains ne retrouvent pas dans les sous-sols et d'autres dans les salles un peu plus confortables. Voilà. Bon, c'est le sens de cette délibération, de faire en sorte que les demandes soient bien en amont, etc. etc. Et c'est aussi des courriers qui doivent figurer en annexe du compte de campagne des différents candidats. Donc je vous invite à conserver les courriers qui vous seront notifiés. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Avenant numéro 2 au marché public relatif à l'exploitation des installations de chauffage. Cédric. Merci, monsieur le maire. Je vais être très rapide. C'est une délibération extrêmement technique. La ville de Bagnolet a conclu un marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire, ventilation et climatisation avec IDEX. Et comme on a retiré de ce marché-là deux sites, celui des Malassis, le stade des Malassis et les locaux Marianne Colombier, il revient à modifier à la baisse le montant total de cette prestation qui s'élève maintenant à 2 837 533,43 €. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Passe aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 15, avenant numéro 7 au marché global de performance pour la construction d'une école, d'une crèche et d'un centre de loisirs, Pêche d'Or. Donc cette délibération est assortie d'un amendement pour la fourniture et la pose d'un robinet de puisage sur la terrasse du R+2 pour un montant de 645,19 € et pour la modification des gravures sur la façade du bâtiment à la suite du changement de nom de l'école et de la crèche, puisque le bâtiment s'appellera Jacqueline Chonavel, bonne occasion d'en reparler en conseil municipal, pour un montant de 16 000 €. Il y a des remarques, donc on doit voter l'amendement. Allez-y, M. Stalens. Non, très rapidement, juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, nous allons nous abstenir sur cette délibération parce que nous allons faire preuve de cohérence et de courage. Toutes les délibérations concernant l'école Pêche d'Or, nous les avons ou rejetées ou nous sommes abstenus. Nous le ferons une nouvelle fois. Mais juste un point rapide avant de passer au vote. J'aimerais revenir quand même sur le budget final dont j'ai vu apparaître pour la première fois le chiffre dans ce document. On est à plus de 17 millions d'euros hors taxes. Le montant des taxes est à ajouter, on va arriver à près de 20 millions d'euros. Le budget prévu initial de mémoire était de 12 millions d'euros. Nous avions proposé, nous, un projet alternatif écologique, tout à fait cohérent avec les exigences nouvelles, et en tout cas celles que moi je porte et ce que nous portons, qui aurait pu voir le jour. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un dépassement de budget énorme, une école qui ne nous aura pas coûté pas cher, elle nous aura coûté très cher, et elle restera surdimensionnée, et ça restera une école comme on les a connues depuis très longtemps. On ne va pas vers la nouveauté une fois de plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Tu veux répondre, Cédric ? Oui, alors juste de mémoire, parce que vous me prenez de court, je pense, sans me tromper, que dans les anciennes délibérations, on a fait l'effort d'afficher les montants totaux, justement, pour la plus grande transparence. C'est en tout cas la demande que j'avais faite à l'administration, parce qu'on n'a strictement rien à cacher sur ce sujet qui était effectivement un peu au centre des débats, fut un temps. Donc je suis assez surpris par votre marque. Je pense que ça a déjà été dit. Et donc c'est la première fois où le montant global apparaît réellement précisément. Je pense pas. On a une facture globale. Je ne pense pas. Enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Deuxièmement, je vous rappelle que cette école, même si effectivement les montants des travaux ont augmenté, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de maîtrises d'œuvre, notamment avec le coût des matières, parce que c'est suite notamment au fait qu'il y a eu la crise Covid-19 et que les sociétés ont du mal à développer les devis à la lettre près qui ont été établis avant le Covid-19. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça a joué un énorme rôle, mais je rappelle aussi que cette école est extrêmement bien financée, subventionnée par l'ANRU et par la région. Et c'est le sens de la note où les autres fois aussi on avait affiché. C'était ma volonté, justement, pour la plus grande transparence pour l'ensemble des conseils municipaux, que le coût total soit indiqué ainsi que les subventions. Juste par rapport aux subventions, les subventions auraient pu être aussi allouées à la construction d'une école un peu différente. De toute façon, voilà, il n'y a pas un transfert pour cette construction précise ou l'obtention précise de subventions par rapport à ce projet, celui-là en tout cas. Et juste un dernier point, après j'en aurai fini, dans cette délibération, il y a deux budgets, il y a le changement des lettres de l'école, bien évidemment, je peux que le comprendre et je peux que être pour. En revanche, le robinet de puisage pour monter au R+2, ça signifie que ça va pour arroser les plantes qu'on aura eu la bonne idée de mettre sur le toit. Et quand on voit les conditions climatiques du moment, je vous garantis que les plantes ne vont pas tenir. Donc si c'est pour les arroser abondamment avec de l'eau du réseau, de l'eau publique, voilà. Donc 645 euros, on va l'ajouter à tout ce qui nous a déjà coûté, l'installation de le système d'irrigation qui n'était pas prévu, 60 000 euros de mémoire lors du dernier conseil municipal. C'est encore un petit truc de plus qui est une opération. Pour moi, c'est du greenwashing. Aller mettre des plantes sur un toit, c'est du greenwashing. Donc là, on finance, en fin de compte, des opérations qui ne sont pas des opérations écologiques, qui sont des opérations qui font semblant de l'être. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Bon, on ne va pas refaire le débat. Hein. On s'est exprimé 1000 fois là-dessus, donc... J'ai envie de dire, c'est noté. Et je pense que si on ne le faisait pas, et si la végétation mourait au dernier étage parce qu'on n'a pas amené l'eau, vous nous le reprocheriez aussi. Donc, de façon, dans tous les cas, vous nous le reprochez. Donc, je pense qu'on peut passer au vote. Et effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'amener l'eau au niveau des arbres. Donc, qui est pour l'amendement, qui est contre, qui s'abstient, et donc qui est pour la délibération amendée ? Ouais. Où ça ? Ah, pardon, Mohamed Jenan. Ouais. Ouais. Pardon. Oui, je voulais dire un mot par rapport à ça, si c'est possible. Donc, je veux aujourd'hui me réjouir avec vous d'une décision pleine de sens politique, donner à une école de notre ville le nom de Jacqueline Chonavel. Jacqueline Chonavel, maire de Bagnolet de 59 à 86, n'a pas seulement administré cette ville, elle l'a façonnée. Avec détermination, avec courage, avec ce sens du collectif et du service public qu'incarne l'engagement communiste. Pendant plus de 30 ans, elle a porté haut les valeurs de la gauche populaire et municipale, dans un contexte souvent rude, avec peu de moyens, mais avec la force, des convictions et le soutien du peuple de Bagnolet. Jacqueline, ce sont des batailles concrètes pour le logement, pour l'école, pour la santé, pour les équipements publics, avec et pour les Bagnoletais. Elle les a menés avec ténacité, avec ses camarades, avec des milliers d'anonymes qui ont cru en la transformation sociale, en la puissance du local au service de l'intérêt général. Aujourd'hui encore, après de 101 ans, elle parle avec passion de ces années de lutte. Elle se souvient des combats pour arracher des financements, pour faire avancer les projets, imposer l'idée que Bagnolet, commune populaire, avait droit au respect, à la dignité, au développement. Elle se souvient aussi de Daniel Mongeau, qui l'a succédé en 1986, et des luttes qu'elle a menées pour l'accès à la culture pour toutes et tous, au moment même où l'on se mobilise pour défendre le théâtre de l'échangeur. Elle se souvient de Jocelyne Rioux, son adjointe, et du combat emblématique qu'elle a conduit pour la couverture de l'autoroute, et de tant d'autres visages militants de la gauche bagnoletaise qui, avec elle, ont bâti cette ville, pierre par pierre, lutte après lutte. Alors oui, nommer une école Jacqueline Chonavel, c'est bien plus qu'un hommage. C'est une manière d'affirmer que notre histoire, notre mémoire militante, notre héritage communiste sont vivants et qu'ils doivent continuer à inspirer notre action, nos luttes d'aujourd'hui, nos combats pour l'égalité, pour la justice, pour le droit à l'éducation. C'est un acte de transmission et c'est aussi un devoir de fidélité à ce que nous sommes, à ce que Bagnolet a été et veut rester. Merci à Jacqueline pour tout ce qu'elle a porté. Merci à vous pour avoir permis que son nom entre dans l'école publique, là où se forme l'avenir. Merci. Merci Mohamed. Effectivement, c'était un choix légitime. C'est vrai que Jocelyne Rioux, il y a 2 ans, a été la première à me proposer cette démarche. Donc il a fallu un peu convaincre Jacqueline Chonavel. Je suis allé la voir il y a peu avec Thomas Gachet, mon directeur de cabinet à l'EHPAD. Et c'est vrai que ce n'était pas naturel qu'elle accepte. Elle dit, la première réaction, c'est « mais je ne suis pas morte ». Donc je lui dis, bah justement, vous n'êtes pas morte. Donc voilà, donc c'est un juste honneur, je pense, et un juste retour des choses. Donc, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Cédric, accord cadre relatif à la fourniture d'essence et d'électricité. Merci, monsieur le maire. Donc, une délibération qui a fait appel à la commission d'appel d'offres qui s'est réunie hier soir. Et je remercie les élus qui ont fait l'effort de se présenter parce que c'est jamais très simple, surtout à 24 heures d'un conseil municipal qui est un peu long. Donc, on s'est réunis hier pour deux lots, la fourniture de carburant et le lot numéro 2, fourniture d'électricité, afin que la ville de Bagnolet puisse recourir à des prestataires externes pour assurer la fourniture de carburant et d'électricité en station-service ouverte au public avec des cartes accréditives. Donc pour le lot 1, c'est l'offre de Greenway qui a été retenue, et pour le lot numéro 2, c'est Greenway aussi. Est-ce qu'il y a des remarques? Allez-y. Je vous remercie. Oui, je voudrais surtout attirer votre attention sur un chiffre, 190 000 litres de carburant fossile. Nous allons encore acheter et encore consommer 100 000 litres de gazole et 90 000 litres d'essence dans cette ville. Cette ville, je vous le rappelle, fait 3 km dans sa plus grande longueur et 1,5 km dans sa plus grande largeur. C'est énormément d'essence consommée par les véhicules de la ville pour assumer des déplacements et pour... entretenir et garantir le service public. Et le service public, c'est de garantir avant tout la santé de nos concitoyens. Et en se déplaçant de cette façon, on aggrave la santé de gens qui sont déjà fragilisés. Et malheureusement, ça a un coût et ça a un impact. Et si on en suit l'ADEME évalue à entre 50 centimes et 1 euro de coût pour une collectivité de conséquences par litre de gazole consommé. Donc ça signifie que la commune de Bagnolet va devoir dépenser grosso modo 190 000 euros de conséquences de cette consommation, en plus de l'achat du carburant par lui-même. Des aides auprès de gens qui vont en avoir besoin pour des zones de santé. C'est l'ADEME qui le dit, c'est pas moi. Le rapport leur a été donné. Alors je vais poser quelques questions qui sont pourtant très simples. Où est la stratégie de transition de la flotte municipale? Combien de véhicules électriques? Quelles alternatives sont mises en place et quel calendrier pour sortir du diesel? Allons-nous prendre réellement conscience, collectivement, et non pas individuellement comme certains d'entre vous peuvent le faire, des conséquences que ça peut avoir sur la santé de nos concitoyens et sur la santé des plus fragiles, une fois encore? Donc arrêtons de faire de l'écologie des éléments électoraux, des éléments de campagne, agissons. Ça fait 5 budgets, 5 années que vous renouvelez des consommations sans jamais y réfléchir et sans jamais les remettre en question. Et pourtant, parmi vous, dans cette majorité, il y a des élus qui sont écologistes, plus qu'à qui se revendiquent comme tels. Mais rien n'est fait, rien n'est décidé. Et c'est, encore une fois, ça va être le même mot que je vais utiliser, mais c'est navrant. Et je vous remercie. la transition, on l'a engagée. Comme la question revient à chaque conseil municipal, et qu'on a eu l'occasion de répondre, par exemple, sur la flotte auto à Pierre Vionnet, moi, ce que je propose, je vais proposer à la direction générale des services, notamment au directeur général des services techniques et au DGS qui sont là, d'organiser une réunion avec les présidents de groupe et ceux qui le voudront pour travailler concrètement sur le sujet et pour montrer ce qui a été fait, parce que des choses ont été faites. Donc, on va caler cette réunion au retour des vacances. Voilà. Donc, qui est pour cette délibération? Qui est contre? On votera contre, du coup. Hein, excusez-moi. Et qui s'abstient? Délibération 17, Cédric. Convention relative à la répartition des charges du CSC et de la crèche Toffoletti. Alors, c'est une note extrêmement technique, là aussi. Pour faire simple, c'est un rattrapage d'arriérés avec l'association excusez-moi, Crescendo, qui s'occupe de la gestion de la crèche Toffoletti, donc à Lannou, parce qu'ils doivent s'occuper de l'entretien des parties communes avec la ville, et donc jusqu'à maintenant, on n'a jamais perçu les sommes qu'ils nous doivent, et ça s'élève à un montant de 49 238,73 € pour la période de 2021 à 2024. Et les remarques? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 18, composition du jury de concours pour le marché de maîtrise d'œuvre pour le stade de la briqueterie. Donc, nous sommes amenés à reprendre les membres de la CAO, ce qui vous explique que les titulaires sont Mamadou Sila, Hissène Ounissi, Choki Haddad, Edith Félix, Denis Barjo, les suppléants Elam Chahir, Amit Chahir, Edouard Denoël, John Jibiro, Anne Lorgui, et proposé de désigner des personnalités qualifiées, donc l'agence ACME, Clément Deodati, architecte des PLG, l'agence Archipel Zéro, Frédéric Denise, architecte ANSAS, Agence Miroardo, Dorian Meg, paysagiste des PLG. Est-ce que ça appelle des remarques? Pas de remarques? On a eu assez peu de temps quand même pour en juger. Les noms, on les a eus très récemment, très tardivement, je pense. Donc, effectivement, constituer un jury, c'est bien, mais ce sont des sociétés dont on n'a pas tous forcément conscience ou connaissance. Et on va devoir dire oui, maintenant. Bah oui. Allons-y, alors. C'est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, rapport de la CLECT. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, demande d'admission en non-valeur. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 21, création d'un fonds de dotation pour la réhabilitation et la rénovation de la mairie historique, et la délibération 22 concerne la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour la restauration de la mairie historique. Donc l'objectif, c'est à la fois de rechercher des mécènes privés et d'avoir un partenariat avec la Fondation du patrimoine. Denis Barjot. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. J'aurais souhaité commencer mon propos par dire que la lassitude tue l'enthousiasme des habitantes et des habitants qui ont pendant plusieurs fois répondu à des appels à projets sur la rénovation de cette mairie qui depuis plus de 10 ans se dégrade de manière importante. Mairie ancienne qui détient au premier étage la salle des mariages avec des peintures qui sont classées. Alors, nous sommes un peu surpris, nous allons voter pour les deux délibérations suivantes, mais nous sommes quand même assez étonnés que pendant plus de 10 ans, rien n'a été fait sur cette mairie. Il y a eu des appels de projets, des boîtes à idées. Plusieurs habitants, habitantes et habitants ont joué le jeu, et il n'y a eu aucun compte-rendu de ces appels à idées auprès des citoyennes et des citoyens de cette ville. Je trouve ça assez dommage. Je vais reprendre le mot de ce soir. Je trouve ça assez navrant. Donc, du coup, on note aussi que ça intervient quelque peu, quelques mois avant des élections, comme quoi l'occasion fait bien le larron. Donc nous allons voter pour, mais nous souhaitions quand même souligner que depuis plus de 10 ans, rien n'était fait pour cette mairie qui se dégrade. Effectivement, on a mis beaucoup de temps. Effectivement, on a fait travailler à plusieurs reprises des habitants dans le cadre d'appels à projets qui n'ont pas trouvé concrétisation. On s'est attelé cours du mandat 2020 jusqu'à aujourd'hui, a trouvé le montage juridique permettant à la fois de concilier mécénat, c'est-à-dire en gros, aujourd'hui, les travaux de l'ancienne mairie sont évalués à 5 millions d'euros. Il ne vous a pas échappé qu'il ne figure pas à notre PPI, parce qu'aujourd'hui, la ville de Bagnolet n'est pas en capacité d'aller financer la restauration de l'ancienne mairie. Donc il s'agit de trouver des mécènes, des partenaires privés, sur un objet unique, l'ancienne mairie. On ne crée pas un fonds de dotation généraliste, on a fait le choix. Et c'est vrai que ça a pris du temps, beaucoup trop de temps. Ça arrive maintenant, le partenariat avec la Fondation du patrimoine, y compris ce sont des bagnoletais engagés qui nous ont permis de faciliter les liens avec des interlocuteurs. Voilà, ça aboutit maintenant. Les travaux ne démarreront pas avant 2026, je ne pense pas. Mais là, en tout état de cause, il s'agit que des promoteurs viennent, des entreprises viennent financer ce projet. Donc après, la direction du patrimoine bâti va poursuivre le travail avec des architectes pour définir précisément le programme de travaux. Mais là, c'est le passage obligatoire ce soir. Alors, rénovation pour la mairie, très bien. 5 millions de dotations pour un projet, mais quel projet ? En fait, là, on va vous parler de 5 millions pour rénover cette mairie, mais quelle rénovation, quel projet ? Et surtout, je voudrais revenir sur un point. Je parle de boîte à idées. Est-ce qu'il est possible, encore maintenant, de faire un compte-rendu de ce qui a été... on peut vous les communiquer. Je pense que... C'est pas le communiqué forcément nous. Je peux vous communiquer les 140 dossiers qui ont été remis la dernière fois sur... concernant l'ancienne mairie. Si vous voulez, il y a une chose simple, incontournable. Les mariages doivent revenir à l'étage. Donc les mariages, quoi qu'il arrive, devront revenir à l'étage. Il faudra faire en sorte que ce soit réhabilité. Et l'objectif du rez-de-chaussée, ce qui ressort globalement de toutes les propositions des habitants, c'est d'avoir un rez-de-chaussée dédié au public. Est-ce que c'est pour les associations ? Est-ce que c'est un espace particulier ? J'ai mon idée, j'en sais rien. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que le rez-de-chaussée soit dédié... à la population, aux associations de la ville, aux collectifs, voilà, que ce soit ouvert au plus grand nombre. Monsieur Stalens. Oui, très rapidement, je suis vraiment surpris. Je suis surpris parce que quand on décide de concevoir et de faire les travaux dans un bâtiment, c'est qu'on a un objectif. Denis vient de le dire et de le préciser, c'est on ne peut pas concevoir les choses si on n'a pas de but à atteindre. Est-ce qu'on agrandit le rez-de-chaussée ? Est-ce qu'on fait une surélévation ? Est-ce qu'on fait des choses ? Non, si c'est une rénovation à l'identique et après on verra ce qu'on en fera. C'est encore une fois, ça va dépenser 5 millions d'euros sans avoir une certitude d'en tirer un bénéfice pour le service public. Non, aujourd'hui, et Merlin a travaillé longuement sur le sujet, va vous dire deux mots. Aujourd'hui, les 5 millions d'euros, c'est une évaluation des services et d'un archive. Ce n'est pas le projet défini tel qu'il est. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet défini. On sait que les mariages doivent revenir. Ça, c'est incontournable. Mais on va le définir quand, alors ? Merlin. Merci, monsieur le maire. Je travaille depuis longtemps aussi, cher collègue, avec Émilie Trigault. Pas depuis 5 ans déjà. Mais alors, c'est vrai qu'au début du mandat, Émilie Trigault nous a présenté en bureau municipal un compte-rendu, effectivement, de toutes les idées qui avaient été soumises par les habitants. Et effectivement, il fallait déjà rénover cette mairie. Donc, déjà, on a cherché du côté de la culture à voir comment on pouvait aller trouver des subventions. Une chose un petit peu particulière de cette mairie et ce que nous a confirmé la DRAC, c'est qu'il n'y a que les peintures qui sont inscrites au monument historique, alors qu'aujourd'hui, ce serait tout le bâtiment qui serait inscrit. Donc, on a des problématiques de conservation, de restauration, et effectivement, il fallait aller chercher les sous. Mais toutes les idées des habitants sont... effectivement, ont été déjà compilés et il y a la volonté de toute façon de poursuivre. Mais je vais passer la parole à Émilie là-dessus. Vas-y. Un tout petit mot, mais parce que le début de votre intervention, c'est effectivement le fait qu'il y a ces peintures à l'étage et qu'elles sont, elles, classées, ce que vient de confirmer Marlane, et le fait que le souhait premier, c'est de faire revenir les mariages dans la salle des mariages. Donc, effectivement, cette première évaluation, elle permet de pouvoir avoir ce partenariat avec la Fondation pour pouvoir lancer les travaux indispensables pour faire l'indispensable pour protéger les peintures, remettre en état la salle des mariages. Alors effectivement, il n'y a pas de projet déjà défini sur ce que va devenir le rez-de-chaussée. Je pense qu'on peut en revanche répondre d'un truc, c'est que non, on ne va pas surélever la mairie historique. Je pense que ça, c'est au moins une première réponse. Je pense ne pas trop m'engager. C'est une des questions qui a été posée par M. Stalin. Donc je pense là-dessus ne pas trop m'engager en disant que l'idée, ce n'est pas de transformer l'esthétique de la mairie, mais bien lui rendre son cachet originel et que effectivement, sur le devenir définitif du rez-de-chaussée, on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, ce serait vous mentir. Le fait qu'il y ait eu un appel à idées et qu'on en avait recensé les idées, c'est une réalité aussi. Après, les choses ont évolué en 5 ans. Donc je pense que ce serait aussi trahir un peu la population que de ne pas revenir vers elle après avoir donné la possibilité au bâtiment d'être de nouveau mis en état. Peut-être que cet appel à idées avait été un peu mettre la charrue avant les bœufs, avant d'avoir la possibilité de rénover en tout cas les murs, les huisseries, les fenêtres et la toiture, et que c'est la priorité aujourd'hui. En revanche, il va de soi que sur le devenir du rez-de-chaussée, l'idée étant qu'elle revienne aux habitants, il faut voir sous quelles conditions, sera une deuxième étape. Allez-y. Quid de la passerelle, parce que j'ai entendu dire que l'architecte... Non, mais elle va bien, elle va bien en fait. Non, mais est-ce qu'on va la suivre? Non, mais je sais, l'histoire de la passerelle. Non, mais parce que je sais qu'il y a cette histoire de passerelle qui arrivait, et en fait, avec mon collègue Cédric, mais qui n'est plus là, on est allé avec les services, tout ça, et en fait, ça va bien se passer. Allez-y. Je ne doute pas que ça va bien se passer, mais ça veut dire quoi? On la conserve ou on ne la conserve pas? Oui, on peut la conserver comme ça. C'était l'idée quand même de faire un accès aux personnes à mobilité réduite. Et en fait, effectivement, j'avais entendu moi aussi des histoires que la passerelle arrivait. Mais en fait, les services ont bien vérifié et en fait, ça fonctionne. Elle n'arrive pas. En quelques années, elle a été rehaussée, c'est ça toute seule. Elle n'arrive plus en plein milieu de n'importe où. Oui, ça marche. Ça peut marcher. Excusez-moi d'avoir anticipé votre pensée. Allez-y. Non, mais très rapidement, parce que là, on est en train d'avoir une conversation que j'ai l'impression qu'on a eue il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans, il y a plusieurs fois. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre une opération d'urgence pour sauver le lieu en place, alors que ce diagnostic, on l'a et on le connaît tous depuis très longtemps. Moi, ça fait depuis des années, une bonne dizaine d'années, dont j'entends parler de cette mairie, des conséquences de sa dégradation, et des peintures qui se trouvent à l'intérieur, et du besoin de les protéger. Et tout ça, on sait, tout ça, on connaît, tout ça, on connaît. Et aujourd'hui, on est juste en train d'enclencher un processus, en fin de compte, qu'on aurait dû enclencher, mais il y a des années en arrière, qui aurait évité peut-être d'avoir autant de travaux à réaliser aujourd'hui. Un bâtiment vide, pas entretenu, pas chauffé, il se dégrade. 10 ans de dégradation supplémentaire qu'on va devoir assumer en termes de conséquences et de coûts de travaux supplémentaires. Je suis désolé, encore une fois, hormis ce détail qui n'en est pas un, mais j'ai toujours pas compris ce qu'on allait en faire. À part la salle de mariage, j'ai compris. Merlane devait nous apporter des explications sur peut-être l'orientation culturelle du lieu. Si vous lui avez passé la parole, j'imaginais que ça allait dans son écoutez, sac. Je ne vais pas m'avancer sur tous les projets. Après, sincèrement, c'est précis, en toute transparence, le rez-de-chaussée, il y a la salle des mariages au premier étage. Le rez-de-chaussée doit être ouvert aux habitants. Je ne pense pas m'avancer en disant quelque chose comme ça. Après, la question des subventions de la DRAC sont quand même corrélées avec une ouverture, avec une activité culturelle. Mais ça, il faut le voir, comment on fait ça par rapport aux propositions qui étaient faites par les habitants. Donc je ne vais pas m'avancer en disant « oui, on va faire ci, on va faire ça ». Ben non, parce qu'il faut justement, il faut reprendre les travaux, les propositions des habitants en corrélation avec ces propositions de subvention. Après, peut-être que vous ne le savez pas, mais le temps de l'administration n'est pas le temps politique ou le temps... Enfin voilà, moi j'aurais aimé que très rapidement les choses puissent se faire. Concernant les peintures, elles sont justement, le lieu est chauffé justement parce qu'il faut qu'elles soient préservées et elles sont vérifiées régulièrement et effectivement, voilà. Ça a du récemment. Temps, oui, à nouveau. Encore un beau brassage. Oui, juste un mot, parce que la dernière fois, j'ai visité la mairie historique avec Merle Hahn. Il faut pas. Enfin, l'objet de la délibération aujourd'hui, c'est juste de créer un véhicule. Je pense qu'on l'a tous compris. Pour justement récolter de l'argent et que ça ne coûte pas un centime, on va espérer que ça fonctionne, à la municipalité. Je pense qu'on sera tous contents ici que ça fonctionne. Et je me sens particulièrement concerné parce que le but du jeu, quand on fait de l'urbanisme, quand on reçoit les promoteurs et qu'on leur donne l'autorisation de construire sur Bagnolet, c'est, on l'a souvent évoqué en conseil municipal, d'enclencher l'urbanisme négocié. Et dans cette négociation, aujourd'hui, il me manquait ce véhicule pour pousser avec acharnement, mais avec conviction, les promoteurs à venir justement leur donner l'autorisation de construire sur la ville, mais en contrepartie de venir réparer cette mairie historique. Mais pour le coup, l'objectif final, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Il est très intéressant, mais ce n'est pas le but de cette délibération. Je pense que et franchement, si on avait eu les sous, je pense que ça aurait été fait tout de suite. Oui, parce qu'en étant un élu de 2014, et je me souviens bien de notre prise de responsabilité avec, et non pas de la prise de pouvoir, ça c'est la taquinerie. Ça fait 5 ans que je vous entends dire, Merlane, que vous êtes très satisfaite de votre budget alloué tous les ans. Juste finir, monsieur Stallard. Toute reconduction de budget, donc en fin de compte, vous auriez dû vous en inquiéter un petit peu, justement, dans ce budget qui n'existe pas la ligne nécessaire pour réparer cette mairie. Donc on peut. Si, on répare. L'année dernière, on a mis 20 ou 25 000 euros. Pour réparer le mur qui s'effritait. Tous les ans, on gère les urgences. Et maintenant, oui, il y a 5 millions à trouver. Et on est d'accord que si on a 5 millions aujourd'hui, que ce soit pour la mairie historique, pour une passerelle, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on va prioriser, je pense, une école. Voilà. Donc aujourd'hui, utilisons le biais de l'urbanisme et créons le véhicule juridique pour pouvoir me permettre de négocier au mieux avec les promoteurs, de les, entre guillemets, les pousser à investir dans la ville. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe. Et je confirmerai quand même, mon cher Sébastien, que oui, j'ai été satisfaite de défendre le budget de l'action culturelle et le budget des associations culturelles qui n'est pas le budget du patrimoine bâti que j'ai dû construire en transversalité avec mes collègues et en discussion avec le maire, que je n'ai pas lâché, et il peut vous le confirmer. Et okay. Le théâtre des Malassis aussi. Et le, ah non, mais oui. Dis-nous un mot sur le théâtre des Malassis, puisqu'il paraît qu'on sacrifie le théâtre des Malassis. Dis-nous un mot. Dis-nous ce qu'on va faire sur le théâtre des Malassis. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire sur le théâtre des Malassis? Donc, non seulement, effectivement, le théâtre des Malassis ne sera plus celui qu'il était. Il va être séparé en deux parties. Il y a une partie auditorium dédiée à la danse et au théâtre côté conservatoire, et une salle plus dédiée aux musiques actuelles et à la jeunesse avec des gradins rétractables côté salle Pierre et Marie Curie qui sera reconstruite de l'autre côté. Voilà. Et on peut dire, puisque on nous accuse souvent qu'il n'y a pas de communication, on a très bien travaillé tous les deux sur ce sujet-là et que les discussions ont parfois été difficiles, mais c'est une preuve que quand des élus, quand des maires adjoints veulent travailler ensemble, ils y arrivent très bien. On lâche rien. On passe au voix. Qui est pour la délibération sur la rénovation? Jonji. Oui, moi, c'est juste une question, puisque la fonte de la dotation ne sera pas générale. Quand est-ce qu'il y aura un fonds de dotation pour le 115 rue Robespierre? Ça fait partie du sujet qui suit. On réfléchit à ce qu'on fait sur le 115 Robespierre. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire grand-chose au 115 Robespierre. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un patrimoine enfin, de la ville, même si ce n'est pas bâti ou pas culturel. Mais ça fait partie aussi du patrimoine et il se dégrade aussi, effectivement. En fait, on y a installé l'école du chat, on y a installé l'association des Pernelles. Le problème de ce périmètre dans le PLUI, c'est qu'il s'agit d'une parcelle qui n'est pas constructible. Donc, ça limite nos moyens d'action, ça limite même une réhabilitation. On est très contraint sur le 115 Robespierre, c'est pour ça que le bâtiment est fermé, et c'est pour ça qu'on essaye de faire vivre les espaces verts. On sait qu'il y avait la miellerie de l'association Bagnolet à Villefleury. Et là, maintenant, il y a une autre association qui va aussi s'installer sur le site. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est suivi de près par Vassindou et par l'Urba. Sur le 115 Robespierre, a priori, il y a quelques années, il y a eu des injonctions, enfin des... C'est pas suffisant. Non, ça a été fait, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. En fait, l'État nous contraint parce que c'est une des zones les plus risquées de Bagnolet, avec un ou deux autres quartiers. Et l'urbanisme s'est déplacé, l'équipe de l'urbanisme s'est déplacée il y a quelques semaines sur le lieu. Et sincèrement, on est extrêmement contraint. Il est très difficile de mettre en œuvre une quelconque idée parce qu'on serait tout de suite rebooté par l'État pour des raisons de sécurité. Donc on passe aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération suivante: convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération suivante concerne la dotation politique de la ville. Donc on ne va pas vous refaire le débat du vote du budget primitif où on nous a expliqué qu'on n'avait pas de subvention extérieure. Là, il s'agit d'intégrer et de signer la convention qui nous permet d'obtenir une aide substantielle de l'État d'un peu plus de 1 million d'euros. Et les opérations qui sont financées sont listées dans cette délibération. Et je rappelle pour les experts que cette somme d'un peu plus de 1 million d'euros ne figure pas au budget primitif de la ville, puisqu'elle a été notifiée en mai. Il y a des observations? Pas d'observations. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, délibération Cherté de Vie Mayotte. Donc il s'agit d'intégrer Mayotte, dispositif de Cherté. Ça doit concerner un agent de la collectivité. Des remarques, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, mise en œuvre du bonus attractivité de la CAF destiné à améliorer l'attractivité des métiers de la petite enfance en crèche. Donc il s'agit de faire en sorte d'être un peu plus attractif pour le recrutement d'agents au niveau de la petite enfance. Oui. Oui, merci Monsieur le maire. Donc en effet, c'est un dispositif qui a été lancé par la CAF pour financer une partie de ces revalorisations. En effet, les crèches font face à une pénurie importante de personnel, ce qui peut parfois nuire à la continuité du service. Et donc la ville de Bagnolet met en place une prime de 120 euros net pour les agents travaillant à 100% auprès des enfants, 100 euros net pour les agents moins directement impliqués. Et évidemment, ces primes sont ajustées au prorata du temps de travail, ce qui représente un investissement pour la ville de 25 000 euros, 70 000 euros qui sont financés par la CAF. Et, c'est un coût annuel total brut de 95 000 euros. Merci, Monsieur le maire. Et donc, à la demande des organisations syndicales formulées lors du dernier comité technique, cette délibération est présentée dès ce soir au Conseil municipal. Il y a des remarques, d'autres remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 26, convention de partenariat attribuant une subvention à la commune de Bagnolet suite à la décision du comité de sélection du fonds en valeur de l'égalité professionnelle relative au projet Partage ma charge mentale, enclencher le levier d'une meilleure articulation des temps de vie pour atteindre l'égalité réelle. Caline Tribic. Et présente la suivante aussi sur... Oui. Je les présente en même temps, en effet. Donc, encore une fois, grâce à l'excellent travail de Malika Miloud et Thomas Pradelou de la mission, Bagnolet a, pour la deuxième année de suite, été lauréate, double lauréate même, du Fonds Égalité Professionnelle, ce qui nous permet de proposer à un certain nombre d'agents de la ville deux formations. La première s'appelle donc « Partage ma charge mentale, enclencher le levier d'une meilleure articulation des temps de vie pour atteindre l'égalité réelle ». Pour celle-ci, nous avons obtenu la somme de 4 800 euros qui permettra de toucher plus de 60 agents. La deuxième formation pour laquelle on a été donc subventionné s'appelle « Mon métier, pas mon genre, l'égalité réelle passe par la mixité des professions ». Pour celle-ci, nous avons obtenu 6 000 euros qui permettront de former plus de 75 agents. Pour info et pour vous donner un petit peu à titre d'exemple, ce fonds égalité professionnelle, cette année, seule une trentaine de villes, qui sont en général plutôt des petites villes de France, en ont été lauréates. Et Bagnolet est strictement la seule à en avoir été double lauréate. Donc c'est dire à quel point le travail était bon et est salué. Le versement de ces deux subventions est conditionné à la signature d'une convention de partenariat avec la préfecture de la région d'Île-de-France. Et c'est donc ça ce que nous vous proposons d'approuver ce soir. Oui, non, je dirais simplement très rapidement un mot pour dire que c'est une bravo à la mission égalité. C'est évidemment, dès qu'on parle d'égalité et de formation, on ne peut que s'en féliciter. D'autant plus qu'il y a un véritable enjeu de mixité des métiers, en particulier dans la fonction publique territoriale, puisque Caline, à chaque rapport égalité femmes-hommes dans la collectivité employeur, on constate toujours des filières extrêmement genrées, avec des stéréotypes de genre qui affectent la répartition entre les métiers du soin dévolu aux femmes et des métiers plus techniques où les hommes sont surreprésentés. Donc, très bonne initiative. Alors, je prends le relais et ça me concerne. Donc, la délibération 28 concernant le foncier au 47-57 Avenue de la République. Donc, il s'agit d'une délibération technique concernant un sujet très souvent évoqué dans cette assemblée, celui du projet FH devenu Avenue de la République. Pour information, un permis de construire a été délivré en mai 2025. Et autorise une opération de logement mixte, c'est-à-dire des logements locatifs sociaux, une résidence étudiante et une pension de famille. Suite aux recommandations de l'étude LOSRAL et afin de développer le maillage de mobilité douce de la ville, deux nouvelles centes, donc une voie piétonne et cycle, vont être créées, une cente avec un axe nord-sud et une cente avec un axe est-ouest. La cente nord-sud, comme c'est indiqué dans la délibération, reliera l'avenue de la République à la rue Sesto-Fiorentino en longeant le nouveau groupe scolaire Langevin. La cente est-ouest reliera l'avenue de la République à la première cente de façon orthogonale et pourrait être la continuité d'une autre cente qui est aussi en cours d'étude et qui longerait le collège Polizère pour information. Ces deux futures voies seront à terme propriété de la ville et intégrées au domaine public. Pour réaliser tout cela, il nous faut approuver la rétrocession à l'euro symbolique des parcelles détenues par l'EPFIF au profit de la ville et approuver le classement de ces voies au domaine public. Je terminerai mon intervention en précisant que le maire, moi-même, les services ont pris le soin de réunir en mairie les voisins afin de présenter les dernières modifications du permis de construire. Voilà pour la présentation. Y a-t-il des questions? Oui, M. Stalins. Non, une confirmation de vote et d'abstention surtout, courage et cohérence politique, toujours bien évidemment, va nous obliger à nous abstenir, comme nous l'avons fait sur toutes les délibérations qui concernent cette construction, en tout cas ce projet de construction, pour des raisons de mésentente avec les riverains, qui ont quand même été une grande difficulté, pour un abattage d'arbres qui aurait pu être évité, un grand arbre qui a été sacrifié, et qui aurait pu éviter de l'être, très sincèrement. Et je pense que c'est une grosse erreur de l'avoir fait. Et c'est surtout, en fin de compte, que cette cente dont vous parlez, elle se confond avec, en tout cas, quand on la voit comme ça, quand on imagine une petite cente bien rigolote, mais c'est juste, elle se confond avec une entrée de parking. Donc, ce côté confort, en fin de compte, va être un petit peu contrarié par cette confusion d'éléments et de dimensions. Je pense que, voilà, donc nous allons non pas voter contre, mais nous abstenir sur cette délibération. Alors, juste pour... je vous donnerai la parole après, Madame Félix. Pour vous répondre directement, cette remarque du parking avait été évoquée effectivement par les riverains lors de réunions de concertation que nous avons l'habitude de faire pour tous les projets prégnants immobiliers sur la ville, et relayée d'ailleurs par M. Vionnet lors de cette assemblée à d'autres dates. Ben, écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire de positif, c'est que nous avons retenu ces remarques, je pense que vous êtes au courant, que nous avons déplacé avec le promoteur cette entrée de parking, qui aujourd'hui n'est plus sur la cente comme c'était à l'époque, pour les raisons que vous avez évoquées, mais par contre, elle est maintenant sur l'avenue directement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus confusion entre la cente piétonne et l'entrée de parking, qui pouvait être effectivement dangereux. Donc ça sert à ça la concertation, ça sert à ça le conseil municipal. Parfois on peut avoir des réponses un peu âpres, j'en conviens, mais on écoute. Et du coup, EFAG est revenu avec notamment ces modifications. Et c'est pour ça qu'on a réuni les riverains pour leur donner cette bonne nouvelle. On va rendre hommage à Pierre Huyonnet, alors. En tout cas, je vais me permettre de le faire, en tout cas, ce soir. Bah, s'il n'avait pas eu ce défaut, ce souci d'attention concernant cette proposition, on n'aurait pas eu cette évolution très positive. Et je vous en remercie, d'ailleurs, et je ne l'ai pas vu. Donc, voilà. En tout cas, je constate que la démocratie peut fonctionner encore un peu et qu'elle a du bon. Et qu'elle a du bon. Tout à fait. Je la sens que maintenant, on serait quand même un petit peu mieux situé. Tout à fait. Grâce à M. Huyonnet. Grâce à M. Pierre Huyonnet. Et un peu grâce à moi et à M. le maire, quand même. Madame Félix. Alors, effectivement, peut-être je manque d'informations pour ma part, mais des riverains ont alerté sur la présence d'une rangée d'arbres au sein de l'îlot, et à peu près sur le trajet du futur passage communal. Donc, apparemment, l'information a été partenue du côté de la ville. Quel est le tracé de la parcelle concernée par la délibération? Est-ce que les arbres sont dedans ou pas? Est-ce qu'on aura la chance de conserver cette rangée d'arbres sur le cheminement ou, comme bien trop souvent, ces arbres vont être tous détruits? Moi, je ne crois pas à la chance, mais au dialogue et au suivi des dossiers. Voilà, donc je pense aussi que conserver des arbres dans une ville n'est plus une option et que se revendiquer d'une politique écologique en continuant de n'avoir aucune attention au patrimoine arboré existant est une usurpation. Bon, comme d'habitude, Madame Félix, je vous remercie pour cette belle leçon de morale. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que jusqu'à à peu près un mois, vous faisiez partie de cette majorité municipale, donc vous vous tirez un peu une balle dans le pied. Mais passons, on ne va pas refaire le débat de tout à l'heure. Par contre, il y a eu des commissions, il y a eu des réunions. Les commissions servent à cela. Vous en faisiez partie. Vous m'avez posé cette question-là lors de la commission. Ce qu'on peut retenir, c'est que le lendemain de la commission, parce que je ne suis pas sourd, malgré mon âge, j'ai demandé au service urbanisme d'aller sur place. Le service urbanisme s'est rendu sur place. Effectivement, il y a une forte végétation qui s'est développée sur ce lieu-là, parce qu'effectivement, depuis 5 ans, c'est plutôt en friche. Donc, il n'y a pas d'arbres remarquables à cet endroit-là. Par contre, il y a une flore plutôt intéressante qui s'est développée sur le côté. Et le service urbanisme, effectivement, a retenu cette remarque pour que la sente, qui n'est pas encore dessinée, puisque là, il s'agit juste de rétrocession de parcelles pour pouvoir faire aboutir le projet, a bien l'intention de reprendre attache avec Eiffage pour qu'un maximum de flore soit préservé. Et effectivement, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Et pour reprendre les propos de M. Stalins, quand les débats sont bien huilés en commission, les choses avancent. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose de passer à la délibération 29, tarification de la taxe de séjour 2026. Madame Diop. Bonsoir. Cette note elle concerne la tarification de la taxe de séjour pour l'année 2026. Alors, cette taxe de séjour elle s'applique aux personnes qui séjournent dans les hébergements proposés à la location de courte durée au sein de Bagnolet. Alors, l'instauration de cette taxe de séjour elle permet de ne pas faire supporter aux seuls contribuables plutôt locaux, les frais liés à l'activité touristique sur notre territoire. Alors, cette taxe de séjour, elle sera applicable à partir de l'année janvier 2026, raison pour laquelle on demande au Conseil, voilà, de voter cette nouvelle tarification. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Stalins. Excusez-moi. Oui, effectivement, la tarification, nous allons voter pour cette évolution de tarification. Mais quid de cette manne économique très importante que représentent les chambres d'hôtel et les hôtels à Bagnolet? Si d'ailleurs, puisqu'on peut peut-être lier un peu deux sujets qui sont la rénovation de l'ancienne mairie, peut-être qu'on pourrait la transformer en office de tourisme. Peut-être permettre à avoir aux touristes qui viennent à Bagnolet une centralisation de l'information, redistribuer, leur permettre d'être accueillis, leur permettre en fin de compte de trouver autre chose que des bus, des commerces ou je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, je pense qu'on passe à côté de quelque chose à Bagnolet en ne se préoccupant pas de l'importance économique de cette manne. Voilà, en ne l'organisant pas. Je pense qu'un office du tourisme digne de ce nom, ça serait vraiment nécessaire à Bagnolet. Moi, je suis commerçant. Je fais, grosso modo, on va dire, une vente par jour en anglais. Parce qu'il y a une clientèle tout autour de la boutique qui vient et qui, en se baladant un petit peu aux beaux abords, tombe un peu sur nous, une clientèle que je ne voyais absolument pas plus dans la rue Salicarnot, puisqu'elle ne remontait pas si loin, elle ne se perdait pas si loin. Donc voilà. Donc je pense qu'on passe à côté de quelque chose quand on est dans une ville avec des difficultés économiques comme la nôtre, on fait attention. L'augmentation de la tarification, je vous en remercie, c'est une solution, mais essayons de faire en sorte que ces gens ne payent pas que des chambres d'hôtel. Ils peuvent manger au restaurant, ils peuvent, oui, c'est un peu sympa quand même. Merci. Bah, on ne peut qu'abonder dans votre sens d'un point de vue développement, enfin attractivité, de développement de l'attractivité de la ville. Ça, c'est évident. Et je suis plutôt heureux d'entendre un retour d'expérience concret de la part d'un commerçant rue Raoul Berton qui, effectivement, si vous effectuez une vente par jour en anglais, bah, c'est une bonne chose. Parce que le but, effectivement, quand on a beaucoup de nuitées, et on a beaucoup de nuitées, c'est qu'effectivement, il faut trouver les astuces pour les sortir de l'hôtel, ne pas aller directement à la station de métro, soit en partant le matin, soit en revenant le soir, mais qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, ils aillent en centre-ville pour faire vivre les différents commerces. Ça, là-dessus, on vous rejoint totalement. Après, le fléchage de la recette ne peut pas être fléché sur un budget précis, il doit être intégré à l'ensemble du budget municipal. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir une dépense précise. Mais le fléchage de la recette, je crois que c'est interdit. Mais pour le coup, l'attractivité est un vrai débat. Et vous remarquerez prochainement qu'on apporte aussi une attention particulière au pôle Gallieni dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puisqu'il va y avoir un street art qui va enfin redécorer les pylônes du métro. En fin d'année, il y aura un éclairage de street art pour essayer de dégayer en multicolore cette sortie, cette entrée de métro. Bref, que l'entrée de Bagnolet par le métro soit plus agréable en termes d'expérience qu'aujourd'hui. Et je m'en rends bien compte, puisqu'en étant usager quotidiennement du métro, je vois bien le matin, et c'est plutôt une bonne nouvelle, des nuées de touristes partir le matin et revenir le soir. Juste qu'il y a des choses qui sont à faire et qui ne coûtent pas cher et qui sont relativement rapides. Aujourd'hui, le support principal, premier, essentiel de tout touriste quand il se balade et quand il voyage, c'est son téléphone portable. Si on avait un relais digne de ce nom, montrant Bagnolet, expliquant Bagnolet, avec cette possibilité pour les gens, quand ils vont taper Bagnolet sur leur téléphone, de tomber sur autre chose que trafic à la Gallieni ou j'en passais des meilleurs, enfin, c'est pas le sujet. Mais mettre en place des structures de communication en capacité d'informer les gens. Moi, je les vois, ils sont perdus. Sincèrement, ils sont perdus. Vous avez monté, il existe une page Instagram, Office de Tourisme, Bagnolet, il y a 4 diffusions. Il y a 4 informations. On peut pas. Encore une fois, on a énormément de touristes à Bagnolet. Ils ne viennent pas pour les Bagnolet plages. Ils ne viennent pas pour Bagnolet non plus. Mais ils viennent à Bagnolet. Faisons en sorte que, déjà pour commencer par décence, par courtoisie, nous les recevions bien, parce que c'est aussi important que de montrer notre capacité d'accueil et notre bienveillance, notre générosité à des populations qui font même que passer. Voilà, pour moi, c'est important aussi d'avoir cette possibilité d'accueillir ces gens. On ne les accueille pas. Je suis désolé, j'arrêterai là. Mais non, vous n'êtes pas désolé, hein, vous êtes là pour vous exprimer. J'ai entendu des personnes dire que le maire était un dictateur, donc on voit bien qu'on peut s'exprimer. Donc... Mais je suis le modèle. Donc, on me le reproche assez souvent d'ailleurs. Donc, si vous voulez, je suis à la bonne école. Et si vous voulez mon avis, les relations interpersonnelles imposent 2 entités. Donc, il faut savoir aussi se regarder dans le miroir par moment. Bon, maintenant, je partage tout à fait votre avis sur l'attractivité de la ville. Je viens de vous dire à l'instant qu'on investit des sommes importantes à travers le PPA qu'on a tous voté, le développement de l'attractivité du pôle Gallieni, ça va dans votre sens. Et votre idée que vous disiez tout à l'heure de peut-être implanter, c'est une possibilité, l'office du tourisme en rez-de-chaussée de la mairie historique, pourquoi pas? Rien n'est tranché aujourd'hui, donc si vous voulez, c'est une idée. Est-ce qu'elle sera retenue? Je pense que le temps que le fonds soit en marche, une nouvelle majorité sera présente et on verra ce que décidera à ce moment-là cette nouvelle majorité. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Convention du dispositif de plan de sauvegarde de la copropriété du bâtiment 3 de l'Anneau à Bagnolet, Monsieur De Noël. Oui, alors, comme vous le savez, à l'Anneau, il y a deux interventions publiques majeures, à la fois l'ANRU et puis les plans de sauvegarde pour les copropriétés dégradées. Là, on se focalise sur le bâtiment 3 et singulièrement sur le deuxième plan de sauvegarde, parce que la copropriété a voté en mars 24 un programme de réhabilitation, un programme ambitieux à hauteur de 10 millions d'euros, notamment pour améliorer la performance énergétique du bâti et sa rénovation. Et donc, c'est la convention qu'il vous est proposé de valider. Ok, je vous remercie, Monsieur De Noël. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Alors, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je redonne la parole à M. Le maire. Ah, mais j'ai besoin de ton cahier, là. Donc, 31. Toujours M. De Noël. Donc, convention de partenariat avec la CAF encadrant la transmission de données dans le cadre du dispositif de permis de louer. Donc c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans ce conseil municipal. Depuis le mois d'avril 2022, la ville est en partenariat avec la CAF pour lutter contre l'habitat indigne via le dispositif du permis de louer. Un bailleur privé se doit d'indiquer à la mairie une mise en location et le croisement des données avec l'ouverture des droits au logement de la CAF permet de détecter les mises en location qui n'ont pas été déclarées. En 3 ans, il y a 108 infractions qui ont été détectées. Il y a des lettres de mise en demeure qui ont été adressées, une trentaine de régularisations faites. Lorsque ça a été nécessaire, la ville a même fait remonter des dossiers directement à la préfecture. La préfecture avait un manque criant de personnel pour pouvoir gérer l'ensemble de ces dossiers. Mais la loi de 2024 sur la rénovation de l'habitat dégradé a transféré le pouvoir de sanction de l'État, de la préfecture, au maire. Donc désormais, les infractions et la perception des amendes reviennent à la ville. Et depuis cette loi, il y a 34 infractions qui ont été constatées, la moitié qui ont été régularisées, 2 autres régularisations qui sont en cours. Donc l'enjeu, c'est bien de distinguer les bailleurs mal informés qui doivent se déclarer des véritables marchands de sommeil qui, là, doivent être sanctionnés. Je vous remercie, Monsieur De Noël. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Non, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 32, c'est la convention entre la ville de Bagnolet et le CAUE 93 pour un projet d'aménagement de cours Oasis à l'école élémentaire Jean Jaurès, puisque avec les élus concernés, en l'occurrence Bassin d'Oucité par exemple, et Valérie Bille, n'en déplaise à certains, nous avons fait le choix de porter l'aménagement de la future cours Oasis l'an prochain sur Jaurès, Édouard De Noël. Merci. Effectivement, après la maternelle Travail, la maternelle Vallon, la réfection des 2 cours de Jules Ferry cet été, en 2026, c'est l'élémentaire Jaurès et ses 2 cours qui sera concerné par la transformation de la cour d'école en cour dite Oasis ou en tout cas en cour rafraîchie, débitumée, plantée, végétalisée. La délibération que vous avez devant les yeux, c'est une délibération de convention avec le CAUE 93, c'est-à-dire le Conseil Architecture, urbanisme et environnement, qui est une association qui est à but non lucratif et qui est là pour faire l'ensemble de l'accompagnement en amont des travaux, c'est-à-dire la concertation, le diagnostic de la cour, la conception et animation de la réflexion avec les élèves, l'organisation d'exposition, la conception d'un livret de restitution, bref, l'ensemble de la conception en amont. C'est donc un accompagnement précieux pour que la cour réponde au mieux aux usages des élèves, de la communauté éducative, des personnels de la ville et des familles qui parfois ont le bonheur de s'y retrouver. Donc le but du jeu, c'est de concerter au mieux pour avoir le meilleur rendu possible au moment de l'exécution. Est-ce qu'il y a des remarques ? Allez-y. Merci, monsieur le maire. Donc nous nous réjouissons que le projet de CourOasis soit cette fois mené par la CEUE 93. En effet, cet organisme déploie une méthodologie pour associer les parties prenantes, analyser les usages et prendre soin de la transformation écologique des espaces, à la fois pour conserver les eaux pluviales de l'ensemble de la surface de l'école, bâtiments et cours, et pour végétaliser et rafraîchir le quartier. C'est donc l'ensemble du quartier aussi qui est concerné par cet aménagement qui doit devenir un îlot de fraîcheur. Il serait donc opportun que les riverains soient associés aux réunions de consultation. Et il serait aussi judicieux d'envisager l'ouverture de la cour de l'école au public lors des périodes de canicule. Donc la communauté éducative sera associée, comme nous l'avons fait encore récemment, dans le cadre de 3 réunions de concertation à Jules Ferry, comme nous l'avons fait à Vallon. Voilà. On fera en sorte d'associer le plus large. Oui, les habitants aussi, oui. Bien sûr. Vous serez convié, Madame Félix. Si c'est ça votre sujet, dites-nous, je souhaite être associé, vous serez convié, il n'y a pas de problème. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Convention de gestion de la propriété de l'espace public entre l'établissement public territorial Est Ensemble et la ville de Bagnolet. Donc il s'agit d'adopter la convention qui régit les rapports entre la ville, les villes du territoire qui ont déjà délibéré en la matière, sachant qu'on a encore pas mal d'efforts à faire en matière de propreté. Et que, on peut le dire, nous allons nous doter en plus d'un dispositif de caméras, de 4 caméras, un dispositif expérimental, un dispositif original qui nous permettra à la fois de verbaliser, de cibler les endroits les plus sensibles de la ville. C'est des caméras qui permettent de verbaliser, d'identifier les plaques d'immatriculation et d'identifier également les déposants. Donc ce dispositif devrait, si tout va bien, être mis en place courant juillet, le 15 juillet. Voilà, donc compte tenu du fait que c'est un dispositif innovant, nous pouvons avoir un marché adapté pour venir renforcer les efforts en la matière. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur cette convention ? Monsieur Oliva. Oui, c'est une très bonne chose que cette convention soit soumise au conseil municipal et soit adoptée. Mieux vaut tard que jamais. On est la dernière, si ce n'est une, oui. On est une des dernières, si ce n'est la dernière ville d'Est Ensemble à faire adopter cette convention. Nous, c'est une mesure, effectivement, parce que c'est important, parce que ça concerne finalement l'efficacité du service, qui est une bonne répartition du travail entre la ville qui s'occupe de la propreté urbaine et Est Ensemble qui s'occupe de la collecte des déchets. Donc nous, c'est une mesure effectivement que nous avons préconisée dans l'atelier que nous avons organisé sur la propreté urbaine en vue de faire des propositions pour le prochain mandat. Bien entendu, il y en a bien d'autres. La propreté est un problème aigu sur lequel on est tout le temps sollicité par nos concitoyens. Il faut vraiment, enfin nous en tout cas, nous avons la volonté de le prendre à bras le corps et je vous invite à lire ou à relire notre tribune dans le dernier Bajomac à ce sujet. Si j'étais taquin, monsieur Oliva, je reviendrais sur les grands débats du début de mandat entre vous et Anne qui nous a quittés ce soir sur y a-t-il nécessité ou pas de créer une direction de la propreté, de la scinder, de la direction environnement. Mais comme je n'ai pas envie de prolonger ultérieurement les débats, parce que si vous voulez, quand on passe une heure en réunion à venir défendre de l'utilité de maintenir à la direction des espaces verts le désherbage des rues, voilà, donc effectivement, c'est une bonne chose qu'on délibère. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? C'est approuvé. Modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 26. Émilie Trigault. Oui, merci. Donc, la taxe locale sur la publicité extérieure, les tarifs n'ont pas été revus depuis 2018 sur la ville. La proposition qui vous est faite aujourd'hui, c'est de continuer à exonérer les superficies inférieures à 12 mètres carrés de cette taxe et en revanche de passer les autres au tarif maximum publié chaque année par le ministère chargé du budget. Voilà. par le ministère de l'économie. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé, convention d'engagement au titre de l'expérimentation suivie des usages des aires de livraison. Alors, il s'agit d'un, dans le cadre du programme Innover la ville porté par la métropole du Grand Paris. Il avait fait un appel à candidature en octobre 2024, candidature à laquelle avait répondu Bagnolet et dont la candidature a été retenue dernièrement. Il s'agit du déploiement sur plusieurs communes d'un dispositif numérique basé sur des briques d'intelligence artificielle pour collecter et gérer des données relatives à l'usage des aires de livraison. L'objectif, c'est évidemment de travailler sur l'optimisation de l'occupation de ces aires de livraison, puisque on est tous conscients et témoins dans la ville, mais manifestement beaucoup plus largement sur les communes du Grand Paris, de l'utilisation abusive de ces aires de livraison, pas toujours utilisées à bon escient et peu contrôlées. Des remarques, des observations ? Oui, juste une interrogation sur le fait de savoir si ça va être sur l'ensemble de la ville ou sur un quartier seulement de la ville, cette expérimentation. Alors, en toute honnêteté, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur les détails de l'installation. Mais... On va vérifier. On va vérifier, on vous donnera les détails de l'implantation de ces bornes. D'autres questions ? Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Convention de mandat pour l'exécution d'une concession de service public pour le contrôle du stationnement payant. Alors, c'est la suite des délibérations que nous avons déjà adoptées sur la mise en place de la délégation de service public pour le stationnement payant sur Bagnolet, sur l'intégralité des quartiers. Cette fois, j'ai la réponse. Là, il s'agit juste de la convention de mandat avec la société Indigo qui a été retenue afin de mettre en place cette DSP en externalisant les prestations de maniement, de perception et de comptabilité des fonds. Alors, merci, Madame Trigo. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Monsieur Stalin, ça, c'est votre soirée. C'est ma soirée, effectivement. Non, c'est une DSP. C'est ce qui m'ennuie une fois de plus. C'est une délégation de service public. On délègue encore une fois une entreprise extérieure et privée, ce qu'on devrait nous faire par nous-mêmes. C'est vrai que c'est complexe, il faut installer du matériel, mais est-ce que la verbalisation à Bagnolet, est-ce que la taxation des Bagnoletais est nécessaire? Est-ce que l'organisation du stationnement ne serait pas de plus intelligent et plus respectueux? Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes et de gens extérieurs à Bagnolet qui soient contraventionnés. Malheureusement, je pense que peu de gens vont être verbalisés à Bagnolet, n'habitant pas Bagnolet. Donc c'est une taxe supplémentaire qu'on va imposer et qu'on va imputer aux Bagnoletais. Alors, juste sur le fond de la délibération aujourd'hui, le débat sur la DSP, on l'a déjà eu et on a adopté le principe. Mais pour vous répondre tout de même, contrairement à ce que vous pensez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de non-bagnoletais qui viennent se stationner à Bagnolet parce qu'ils savent que certaines zones sont moins contrôlées que d'autres, même si le travail qui a été mené par les ASVP sur les zones bleues est quand même assez admirable au cours des dernières années, mais il n'est pas suffisant et nous en sommes tous conscients. Dans les propositions que j'avais faites sur les zones de stationnement payantes, il y avait notamment toutes les rues frontalières et limitrophes de Bagnolet. Il se trouve que Mme Félix, quand elle avait la délégation, s'y est opposée. C'est bien dommage, mais on verra à l'avenir si on peut faire des avenants sur ces zones à verbaliser. Le témoignage des habitants qui habitent notamment autour des zones frontalières, c'est que oui, les gens viennent des autres villes, stationnent leurs véhicules toute la journée ici et encombrent les zones de stationnement pour la ville de Bagnolet. Donc cette DSP, certes, c'est une délégation de service public, mais ça aura le double intérêt d'avoir la possibilité d'offrir des places de stationnement payant comme partout, en fait, à part chez nous, pour les gens qui ne sont pas résidents à Bagnolet, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des zones bleues. Donc si on vient ailleurs voir la famille ou ne serait-ce que travailler dans des entreprises privées installées sur la ville de Bagnolet, il faut changer son disque de stationnement toutes les heures et demie, et ça n'est pas viable, on est bien d'accord avec ça. Et le fait est que l'on diminue la surface de stationnement en zone bleue. J'en profite pour rappeler que l'on maintiendra 2/3 du parc de stationnement sur rue à Bagnolet gratuite pour les riverains et que là aussi, on est les seuls à encore proposer ce service aux riverains et aux riveraines. Tout en gardant le même nombre d'ASVP permettra qu'il soit le même nombre, mais pour contrôler une surface d'un tiers plus petite. Et donc, il devrait pouvoir être encore plus efficace. Madame Félix. Juste, je dis un mot pour dire que ce que Madame Trigo veut mettre en place, C'est un stationnement payant dans des zones résidentielles, sans aménagement pour les résidents. Donc, on verra, mais je me suis opposée à ce que ça arrive dans les quartiers résidentiels, même limitrophes. Surtout dans ta rue, contrairement à la mienne, qui est encore plus résidentielle, mais ça, les habitants s'en rendra compte. Parce que mettre du stationnement payant avenue des Roses et rue Henriette, ça t'était favorable, mais rue Anatole France, tu étais contre. Les choses sont dites. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non, mais c'est factuel, en fait. Je réponds, c'est mensonger. La rue Anatole France n'est pas limitrophe, elle n'était pas concernée. Ah si, si, rue Anatole France et la rue limitrophe à Romainville, dont j'ai oublié le nom, mais qui est en face de chez toi. Ouais. Mais les services sont derrière, ils pourront confirmer. Hein. C'est la dernière visio qu'on a faite avec. C'est mensonger. Non, c'est factuel. Mais bon. Ça va être difficile à tenir après, effectivement, face aux habitants. C'est dommage. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non, je propose qu'on passe au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adhésion à l'association France Médiation. Alors, il s'agit d'une délibération en lien avec la proposition de la création d'un service de médiateurs sociaux et non pas culturels, n'est-ce pas, Merlane, dont nous avons déjà parlé. L'intérêt de l'adhésion à cette association, c'est effectivement une mise en réseau de nos futurs médiateurs, des outils, la mise à disposition d'un outil de reporting pour suivre les actions qu'ils mèneront sur le terrain et des tarifs préférentiels pour les formations à venir de ces futurs médiateurs, dont le recrutement n'est pas finalisé, ce qui me permet de répondre sûrement à une question qui va être posée. Des remarques, des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Nous avons un vœu relatif au franchissement au pluriel du boulevard périphérique entre Bagnolet et Paris 20e, déposé par le groupe Bagnolet en commun. Je vais le présenter pour le groupe Bagnolet en commun. Je vais essayer d'être rapide pour ne pas abuser de votre patience. Donc, c'est un vœu qui a vocation à montrer une position commune et unie de notre ville concernant effectivement les franchissements piétons et cyclistes du périphérique. On le sait, le périphérique est une frontière physique et symbolique qui accentue la séparation entre Paris et les communes voisines, brise la continuité urbaine et constitue ce qu'on peut appeler un commun négatif dont il faut aujourd'hui réduire les nuisances et faciliter l'effacement. Or, le périphérique et donc ses franchissements appartiennent au territoire parisien, d'où l'idée d'un vœu adressé à la ville de Paris et indirectement aussi à la métropole du Grand Paris, qui mentionne clairement la position des élus de Bagnolet et qui a été élaborée avec les élus écologistes de Paris. Quel est le problème? Donc, concernant le franchissement entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil, il y a deux problèmes, d'où notre vœu. Le premier, c'est celui de la passerelle existante que les bagnoletais connaissent bien, qui relie Paris 20e dans le prolongement de la rue Lucien-Lambeau, et le quartier des Coutures à Bagnolet, qui rejoint l'avenue du professeur André Lemierre. Cette passerelle est très utile aux cyclistes et aux piétons. Elle permet de rejoindre le tramway de Bagnolet et d'entrer et de sortir facilement de Paris. Mais elle est régulièrement fermée de façon aléatoire, de jour comme de nuit, ce qui rend son usage totalement dysfonctionnel. Donc notre demande, et c'est donc l'article 1 du vœu, c'est de renforcer cette passerelle, de la sécuriser, éventuellement de l'élargir pour qu'elle soit fonctionnelle et utilisable sans mauvaise surprise de manière continue. Donc c'est notre première demande à la ville de Paris. Deuxième problème, c'est le franchissement du périphérique entre donc cette passerelle, la passerelle dite Lucien-Lambeau, et la porte de Bagnolet. On sait que les franchissements au niveau de la porte de Bagnolet pour les piétons et les cyclistes est particulièrement ingrat et soumis aux nuisances du bruit, de la pollution, puisqu'il suit l'échangeur et il suit les axes autoroutiers. Donc ce que l'on propose, c'est de demander à la ville de Paris et à la métropole du Grand Paris de lancer une étude qui permette d'étudier d'une part les cheminements entre nos deux villes, et les usages d'une deuxième passerelle possible qui raccourcisse surtout les cheminements piétons, puisque c'est ça l'important, qui raccourcisse les cheminements piétons et cyclistes entre Paris et Bagnolet. Je vois que certains sourient, mais vous voyez qu'ici, on ne préjuge pas de l'itinéraire. Qu'on demande, c'est une étude, car cette étude, il se trouve qu'elle n'existe pas. Nous l'avons cherchée. Il y a bien des dessins, mais il n'y a pas d'étude qui permette de dire, de voir quel est techniquement le meilleur trajet et quel est écologiquement et socialement l'impact de ces trajets. Donc c'est là notre deuxième demande qui est faite à la ville de Paris et à la métropole du Grand Paris, car l'enjeu du franchissement du périphérique entre Paris et les communes adjacentes, ici Bagnolet, est un enjeu métropolitain, c'est un enjeu de lien entre les communes, d'abattement des frontières avec la forteresse Paris. Donc voilà les deux points que nous proposons dans le vœu. Je ne vais pas relire tous les considérants et j'ai résumé les deux points qui consistent à, bien sûr, faire taire la rumeur que la ville de Bagnolet serait hostile à la facilitation des franchissements du périphérique. Nous y sommes, bien sûr, je pense, tous et toutes très favorables. Merci. Je vais me permettre de répondre en premier, monsieur. Oui, je vous remercie beaucoup. Non, je vais très calmement répondre à Mme de Rugy. C'est un projet que nous avions porté et contre lequel c'était opposé. Vous aviez défendu avec beaucoup de conviction la non-construction d'une passerelle qui n'était absolument pas nécessaire. Nous avions une réhabilitation de la porte de Montreuil qui allait se dérouler de la porte de Bagnolet. Il n'y avait pas de difficulté à circuler ni pour les piétons, ni pour les vélos. Et là, d'un seul coup, les élections arrivant, et vous vous rappelez que vous êtes écologiste, Madame de Rugy. Vous vous rappelez que vous avez un parti et que ce parti est écolo. Et donc, vous vous dites, il faut peut-être porter quelque chose qui ressemble à un projet écologiste. C'est scandaleux ce que vous avez fait, et c'est scandaleux dans les deux cas. La première fois quand vous avez défendu le contraire de ce que vous venez de faire ce soir, et ce soir en défendant électoralement quelque chose que vous n'avez même pas compris et que sur laquelle vous n'avez même peut-être même pas encore travaillé. Voilà, je m'arrêterai là parce que je vais voter pour ce vœu parce que je suis pour les mobilités réduites et mobilités douces, pardon, et je suis foncièrement et profondément écologiste, ce que vous n'êtes pas. Alors, je vais peut-être répondre en tout premier, mais je vois des personnes qui... Alors, je comprends la colère de M. Stalins. Je la comprends, mais alors totalement. Ce sont des petits coups politiques. C'est de la récupération. Excusez-moi, j'arrête. Mais M. Stalins, je suis d'accord avec vous et M. le maire est d'accord avec vous. Pour une fois. On est d'accord avec vous. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pour ça qu'on m'a proposé un amendement. César, là... Il est absent, mais sincèrement, autant Pierre Vionnet a porté le sujet depuis le début du mandat et on s'est beaucoup échangé, mais jamais, jamais vous, je dis vous parce que je parle au groupe, hein, non pas forcément à toi de façon individuelle. Patient, tu répondrais après. L'électeur, c'est pas important. Les bagnoletés, c'est pas important. Et vous répondrez bon. Uniquement à vous, pas aux bagnoletés. Si, c'est très important, justement. Enfin, ouais. Cédric va vous faire... En fait, donner son analyse et vous faire une proposition. Bon, je pense constructive. Donc, moi, je rends déjà à César ce qui appartient à César, et je pense qu'il nous écoute en ce moment même. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est quand même Pierre Vionnet qui a porté le débat sur la table et personne d'autre. Déjà, ça, c'est clair, et que tout le monde le sache. C'est bien l'honnêteté intellectuelle aussi en politique par moment, et parfois il y a des vérités qui sont dures à entendre, mais il faut les dire. Et c'est pas forcément mon plus grand ami Pierre Vionnet. On a beaucoup bataillé l'un contre l'autre, mais j'avoue que c'est quand même lui qui a porté le sujet. Je voudrais aussi dire pour l'ensemble des conseils municipaux et puis pour le public qui nous écoute que ce vœu a été déjà déposé à Paris, puisque M. Barjot nous en a parlé lors d'un conseil de quartier il y a environ un mois et demi. Et pour information, si ça intéresse Mme Anne de Rugy, est-ce que vous connaissez la finalité de ce vœu ? Bien sûr, je ne sais pas si j'ai le droit de répondre. Bon, alors je vais répondre à votre place dans ce cas-là. Je répondrai tout à l'heure. Voilà, donc le vœu a été rejeté. Vous savez pourquoi, j'imagine. Mais je vois aussi que mes propos infusent. Et ça, ça me fait plaisir. Doucement, mais sûrement. Parce qu'en fait, là où j'étais en désaccord, où M. le maire était en désaccord avec M. Vionnet, c'est pas la passerelle. Enfin, qui serait contre le fait que des cyclistes circulent mieux dans Bagnolet et puissent aller plus facilement dans Paris ? En fait, vous avez tout à fait raison. Personne. Donc ce n'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce que c'est utile de construire une passerelle numéro 2 juste à côté de la passerelle numéro 1, pour faire simple. Et là où je n'étais pas d'accord avec M. Vionnet, et je l'ai dit en conseil de quartier dans le quartier des Coutures, c'est que l'idée du départ, c'est que la passerelle, en fait, arrive sur la parcelle qui est détenue par Europe Équipement. Voilà. C'est donc une parcelle privée, ce qui sous-entendrait, si le propriétaire était vendeur, de faire une préemption sur une partie du terrain, et ça coûterait des millions d'euros. J'ai à peu près dit ça, je pense, la dernière fois. Et que si on avait ces millions d'euros, je préférerais, et je sais que le maire est du même avis, que cet argent soit investi dans les groupes scolaires de Bagnolet. Parce que, malheureusement, c'est une priorité. Donc, ce que je vous propose déjà aujourd'hui, pour un peu clarifier le débat, parce qu'en fait, je me suis aperçu en lisant ce vœu, déjà, j'ai failli tomber par terre, comme vous, d'essayer d'éclaircir un peu le débat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être quand même des choses factuelles. Donc, j'ai une première chose à faire. Je demandais à l'administration de le faire. Je ne voudrais pas me tromper de pochette. Je vais demander à l'administration de vous distribuer à l'ensemble des élus. Et comme ça, vous pourrez le communiquer aux différents citoyens. Déjà, si on partait de la base, ça serait d'avoir le plan cadastral du quartier. Parce qu'on parle, mais on parle à partir de quelle brique? À partir de quelle base? Et vous verrez, je vous laisserai faire votre analyse, que l'étude, parce qu'en fait, le vœu a été malin, là où c'est un peu plus infusé, c'est qu'on ne parle plus du terrain Europe Équipement, mais on dit qu'il faut lancer une étude qui pourrait déboucher quelque part. Ben, vous verrez à travers cette fiche cadastrale que je me pose encore la question. Mais encore faut-il aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de communication en BM ou en commission, qu'on n'apprenne pas 5 minutes avant le vœu, enfin on va dire 48 heures pour être précis, sinon on va me le reprocher. Mais peut-être qu'on aborde ce sujet-là en bureau municipal et que les services travail apportent des réponses. On aura gagné du temps. Bon, chose n'a pas été faite, mais j'imagine qu'il y a comme une idée politicienne derrière. Mais vous verrez, en regardant ce zoom, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on préempte et ça coûte énormément d'argent, soit il y a une parcelle publique, une, je ne sais pas si vous étiez au courant, en tout cas je vous donne l'information, il n'y en a qu'une, il faudrait-il savoir où elle débouche de l'autre côté, côté Paris. Donc, pratiquement l'ensemble de la ligne périphérique à Bagnolet est privée, la seule parcelle publique en forme de Lanière ne tombe pas forcément sur la voie publique côté Paris et est proche de la passerelle numéro 1. Parce que c'est ça aussi. Cette parcelle publique, quand on la regarde, regardez le plan, mesdames et messieurs les élus, et vous verrez qu'elle est juste à côté de la parcelle numéro 1. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de construire la passerelle numéro 2 qui serait qu'à 50 mètres de la passerelle numéro 1? Je pense que non. Mais, puisque c'est un sujet, et qu'à travers ce plan, on s'aperçoit que tout compte fait, la passerelle numéro 2, à mon avis, n'a pas d'avenir. Après, on peut essayer de faire plaisir à certains électeurs, mais leur dire la vérité, c'est aussi très constructif. Nous proposons un amendement pour plutôt aller, donc pour lancer l'étude, si vous voulez, genre si la MGP veut financer une étude supplémentaire à la première. Je vous rappelle que la MGP finance déjà le PPA, l'enfouissement de l'échangeur, à hauteur de 1 300 000 euros. Peut-être que vous avez assez de conviction et de force politique pour leur dire de lancer une seconde étude, dont acte, je ne pense pas. Mais on va souscrire à ce vœu, parce que ça ne reste qu'un vœu. Mais par contre, l'idée de la rénovation de la passerelle numéro 1 peut être lancée. Donc ça, par contre, ça a beaucoup plus de crédibilité que la construction d'une passerelle numéro 2. Du coup, pareil, maintenant que vous avez le plan cadastral, je vais demander à l'administration de nous faire parvenir notre amendement, qui me paraît dans la ligne droite de ce que vous proposez, mais avec un travail de fond effectué par le service d'urbanisme et qu'on aurait pu faire avant, si tant est que certaines personnes communiquent bien. Il y a quand même des éléments que j'aimerais rappeler. Je peux me permettre pour que la distribution se déroule. Premier point, la coupure entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil, une des plus importantes de la région parisienne, il y a un kilomètre. Une passerelle pour un kilomètre. Donc ça signifie que c'est quand même pas forcément très important. Et il y a peut-être une nécessité d'en avoir une deuxième. Maintenant, Paris a travaillé sur le sujet. Paris a travaillé, ils ont rejeté le vœu, mais il y a un point d'arrivée. On parle nous de point de départ et point d'arrivée à Bagnolet, mais il y a aussi un point d'arrivée, un point de départ prévu à Paris, et c'est Piton du Vernois. Donc aujourd'hui, il y a possibilité, en investissant de l'argent, plusieurs millions d'euros, comme vous venez de le préciser, Cédric Pape, Monsieur Pape, pardon, de se tourner vers l'avenir, de réellement, en fin de compte, enclencher un processus. Si on ne permet pas aux gens de pouvoir bénéficier d'une mobilité douce, ben, ils ne vont pas en bénéficier, ils continueront à prendre leur voiture. On se doit de mettre en place des équipements, on se doit de réfléchir à des choses qui aujourd'hui n'existent pas. Cette passerelle n'existe pas, et on se doit d'y réfléchir. On se doit aujourd'hui, on a une rupture de 1 km entre deux points. Le seul moyen de passer aujourd'hui entre ces 2 km, entre ce kilomètre, c'est une passerelle qui n'est pas ouverte et qui n'est pas en fonction de façon permanente. Peut-être le coup d'y réfléchir quand même. C'est exactement ce que je viens de dire, monsieur Sartre. Donc, il y a peut-être aussi des coûts financiers qu'il va falloir assumer. Sur la passerelle numéro 1, oui, je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Sur la passerelle numéro 2 aussi. Mais le rachat du foncier peut être négocié avec le promoteur, négocié avec le propriétaire de ce foncier, et on peut arriver peut-être avec les moyens de l'État, les moyens de Paris, les moyens de la ville, les moyens de la région, les moyens du département. Trouvons les moyens, mais de faire en sorte que cet équipement puisse exister. Pas pour les bagnoletais, pas pour les bagnoletais. C'est pour aller dans le sens de l'histoire, dans le sens de transformer ces régions. Alors, et c'est un outil pour y arriver. Peut-être que je vais lire le vœu amendé. En fait, c'est ce qu'on vous propose dans l'amendement. Sur proposition de Edouard, donc je ne reprends pas tout le vœu, hein, vous ne m'en voudrez pas, je vais reprendre la partie que nous souhaitons amender. Sur proposition de Edouard de Noël, Anne de Rugy et les élus du groupe Bagnolet en commun, après avoir débattu grâce à la carte cadastrale remise sur table et que l'amendement proposé par M. le maire Tony Di Martino et son groupe SSCR ait été pris en considération, le conseil municipal émet le vœu que la ville de Paris, donc je passe le premier paragraphe puisque nous sommes d'accord, deuxième paragraphe, réalise en lien avec la MGP une étude de cheminement et de faisabilité pour la création d'une passerelle de franchissement du périphérique permettant de raccourcir les trajets piétons-vélo entre Bagnolet et Paris, étant entendu, c'est là qu'arrive la subtilité, que le plan de financement de la création de la dite passerelle ne devra pas reposer à titre principal sur la ville de Bagnolet et une éventuelle contribution de sa part ne saurait constituer un coût prohibitif pour la collectivité. Je rappelle au passage que l'étude MGP de plus de 1 million d'euros, 1 300 000 euros, ne coûte pas un centime à la collectivité à ce jour. L'étude réalisée ne devra pas constituer un prétexte pour remettre en cause l'engagement de l'ensemble des acteurs en faveur d'un projet ambitieux pour une transformation majeure du site de la porte de Bagnolet. Ça, c'est très important à nos yeux, car la priorité pour cette majorité municipale, en plus de la rénovation, requalification de la passerelle numéro 1, l'étude d'une probable passerelle numéro 2, mais vous avez les plans cadastraux sous les yeux, vous verrez que c'est extrêmement complexe, et c'est le maire adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire qui vous le dit, que cela ne remette pas, par contre, en cause l'énorme projet sur lequel nous battons maintenant depuis un mandat, c'est l'enfouissement de l'échangeur de Bagnolet, parce que, là aussi, entre parenthèses, je ne vais pas remettre une pièce dans le jukebox, mais c'est la réalité du terrain. C'est la réalité de ce qu'on subit quand même parfois dans les coursifs de la politique. Il y a quand même certains élus qui sont farouchement contre cet enfouissement, mais lorsqu'il y a un vote en conseil municipal, ils votent pour parce qu'ils ont peur d'aller voir les électeurs, de leur dire « j'ai voté contre ». Bon, ça aussi c'est de la belle hypocrisie. Bref, je referme la parenthèse. Mais cet échangeur, l'enfouissement partiel ou total, parce que l'étude n'est toujours pas arrivée, est un enjeu que nous défendons, monsieur le maire et moi-même, bec et ongle, et nous ne voulons pas que ce projet s'arrête, parce que c'est le projet écologique le plus prégnant d'Île-de-France. Bagnolet le doit, Bagnolet le vaut. Cette ville est coupée en deux. Bagnolet Sud, Bagnolet Nord. Il est temps, aujourd'hui de défendre un projet ambitieux qui réunit Bagnolet Sud et Bagnolet Nord et que cette ville redevienne une ville entière. Et l'élément le plus important, c'est la santé. Il y a une étude santé qui a été lancée d'ailleurs par Paris. Et quand on apprend qu'à un Francilien sur 10, la cause de décès est liée à la pollution de la voiture, vous imaginez les conséquences dramatiques sur la ville de Bagnolet avec l'échangeur le plus important d'Europe. Donc, très clairement, ce projet d'enfouissement partiel et total, nous y tenons et nous ne voulons surtout pas que ce vœu, puisqu'il ne reste qu'un vœu, vienne perturber aujourd'hui les négociations largement entamées pour l'enfouissement total et partiel de l'échangeur. Des remarques et des observations ? Je salue cette volonté de préserver la santé des Bagnoletais, mais je vous rappelle que dans les délibérations juste précédentes, on a quand même validé l'achat de 190 000 litres de carburant fossile. Donc, d'un côté, on a aussi des vélos de la Poste. Oui, non, mais je mets juste en avant, en perspective quand même des choses. Voilà, c'est le discours, les actes, essayons de faire correspondre les deux. C'est vrai, vous avez raison, mais là, vous ne pouvez pas nous reprocher d'avancer dans le bon sens. C'est ça. Jean-Claude Oliva. Je trouve que le vœu qui a été proposé soulève une vraie question sur la circulation, notamment les mobilités douces et le lien entre Paris et Bagnolet, la banlieue et Bagnolet en l'occurrence. Donc, c'est quequelque chose de tout à fait important pour nous, auxquels nous sommes tout à fait attachés. Et pour moi, enfin, au-delà des petites polémiques d'ego, ça va dans le même sens que la pétition des urbanistes, d'ailleurs, que notre groupe a signée pour la passerelle à l'emplacement après l'abandon du projet d'Europe Équipement. Voilà, au contraire, ce vœu vise à lever les blocages, puisque... Et l'idée, c'est de faire une étude, parce que peut-être, après tout, cette passerelle, ce n'est pas exactement cet endroit-là qu'il faudrait la mettre, mais un peu plus loin. Enfin, voilà, faire une étude sérieuse. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce vœu. Il élargit, il n'est pas du tout contradictoire avec ce qui a été fait auparavant sur la passerelle. Il élargit la démarche, il la renforce. L'amendement proposé par le maire me dérange pas, mais en même temps, je trouve ça un peu défensif. Sur la porte de Bagnolet, c'est clair qu'on n'a pas la même appréciation. Moi, je suis pas pour l'enterrement de l'échangeur. C'est un projet qui ne se fera jamais, c'est clair. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas parce qu'on fait une petite étude sur le lien Paris. Bagnolet, que ça va remettre en cause une grande étude qui est déjà financée et qui est lancée sur l'échangeur. Mais bon, voilà, après, si on veut, si on a besoin pour se rassurer de dire que l'étude, on est toujours pour l'étude de la porte de Bagnolet, pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Mais enfin, voilà, en tout cas, votant ce vœu, pour moi, c'est l'essentiel. Et juste une information pour terminer, effectivement une alternative à l'enterrement de l'échangeur, c'est les autoroutes apaisées. Et je vous invite d'ailleurs, il y a une grande journée à Est Ensemble le 1er juillet, la semaine prochaine, sur ce sujet, avec plein d'interventions de spécialistes. Il y a une démarche qui est engagée par Est Ensemble pour... pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, d'avoir un enterrement de l'échangeur, mais avoir dans les prochains mois ou dans les prochaines années des autoroutes apaisées, un ralentissement de la circulation sur ces autoroutes. Donc ça, c'est à notre portée. Donc voilà, moi, je vous invite à aller à cette initiative pour en savoir encore plus à ce sujet. Alors, ce n'est pas une alternative à nos yeux, c'est peut-être ce qui nous différencie, parce que nous sommes partie prenante de cette initiative, et vous le savez. Donc vous auriez pu parler au nom de la municipalité en rappelant cet événement. Comment ? Pourtant, vous permettez d'autres choses. Hein. Donc, la municipalité est bien partie prenante de cet événement, que nous, évidemment, nous supportons. Maintenant, J'apprécie votre clarification parce qu'elle n'a pas été toujours très claire. Donc je prends note que vous êtes contre l'enfouissement de l'échangeur. C'est noté, c'est enregistré, c'est publié, c'est diffusé. Voilà, c'est très bien. Mais pourquoi avoir voté le PPA? Bon, c'est assez étrange. Mais au moins, cette fois-ci, vous êtes clair. Parce que dans les couloirs, vous me disiez que vous étiez contre, et après, vous arriviez ici, vous étiez pour. Dans les couloirs, on ne se parle pas et on ne se rencontre jamais. J'ai voté pour des études qui abordent tous les scénarios, mais pas forcément votre scénario à vous. Monsieur Oliva, vous avez un problème avec votre groupe d'opposition, c'est que vous coupez la parole tout le temps. Donc, moi, je vous ai écouté respectueusement. Je peux même vous dire que ce n'était pas dans les couloirs, c'était dans un gymnase. Voilà. Donc, je me souviens très bien de cette conversation. Et de toute façon, vous dites que j'ai raison, donc il n'y a pas de polémique. Vous êtes contre l'enfouissement total et partiel de l'échangeur. Et c'est tout, voilà. Et vous irez devant la population prochaine municipale en disant que vous êtes contre. Et c'est bien, parce que comme ça, ça nous différencie. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et il n'y a pas d'alternative. Parce qu'encore une fois, on peut être pour, évidemment, des autoroutes apaisées. Et c'est le maire qui a lancé ce débat-là avec Patrice Bessac, si mes souvenirs sont bons, en allant à Lyon ou à Grenoble. Je me souviens plus. Ensemble et à Lyon. Voilà. Donc, monsieur le maire vous a devancé. Donc, on ne vous a pas attendu. Donc. Mais quand vous dites que vous n'y croyez pas, ce qui est assez étrange, et là, je me retourne vers mes collègues élus, c'est que Patrice Bessac défend ce projet. On est d'accord, monsieur le vice-président d'Est Ensemble. Voilà. Donc, n'oubliez pas de dire à Patrice Bessac que vous êtes contre et que vous n'êtes pas d'accord avec lui, monsieur le vice-président. Apparemment, il n'y a pas que dans cette assemblée qu'il y a des dysfonctionnements, comme vous dites. Apparemment, il y en a aussi à Est Ensemble avec vous. Bon. Mais n'hésitez pas à être franc avec lui. Voilà. Donc... Il y a un dysfonctionnement ici, il y a un dysfonctionnement à Est Ensemble, mais vous n'êtes pas responsable. Monsieur Oliva, vous débattez bien avec vous-même, mais vous ne débattez pas avec les autres. Monsieur Di Martino, vous ne débattez pas souvent, bureau de territoire d'Est Ensemble, on ne vous voit pas souvent et quand on J'y vais plus trop. Bah, la dernière fois que je suis intervenu, c'était l'an dernier, cher Jean-Claude Oliva, c'était justement pour vous alerter sur les risques que la tarification que vous mettiez en place avec la régie publique de l'eau en direction des familles qui ont plus de 4 enfants. Bien sûr, je suis intervenu. Vous ne venez jamais au conseil d'administration de la régie. Et je vous demande de publier ma réponse à votre lettre sur le site de la ville. Parce que c'est extrêmement malhonnête. C'est extrêmement malhonnête. Monsieur Oliva, expliquez aux familles de Bagnolet. Des rumeurs et de ne pas publier la réponse. Calmez-vous. Ne montrez pas du doigt. C'est malhonnête, monsieur le maire. Monsieur Oliva, considérez comme vous le faites que les familles de plus de 4 enfants sont peanuts à Bagnolet, je vous invite à aller l'expliquer dans le quartier des Malassis, à la capsulerie, à la Noue. Alors certes, 97% des familles ont moins de 4 enfants, mais croyez-moi que dans ces quartiers-là, il y a des familles nombreuses. Et allez-vous balader du côté des Malassis et vous allez vous rendre compte. Donc dire que c'est peanuts, que c'est anecdotique, c'est faux. Et je vous invite vraiment à travailler un peu plus vos dossiers, monsieur Oliva. Travaillez un peu plus vos dossiers. Voilà. Cédric. Donc, pour finir, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec monsieur Bessac, c'est noté. Vous n'êtes pas d'accord avec Éric Pliez. Bon, bah, c'est noté aussi. Parce que là, on débat côté Bagnolet, mais il y a Paris 20. Paris 20 est quand même bien concerné. Moi, quand je rencontre avec monsieur le maire Éric Pliez, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il défend, et d'ailleurs, c'est pas j'ai l'impression, il défend l'enfouissement de l'échangeur de Bagnolet. Donc, en fait, vous êtes en désaccord avec beaucoup de personnes. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes seul à avoir raison face à tout le monde, et que nous sommes aveuglés. Mais j'ai l'impression quand même, quand on s'adresse à Patrice Bessac, quand on s'adresse à Éric Pliez, quand on s'adresse à Emmanuel Grégoire, qui a beaucoup porté le projet aussi, entre parenthèses, j'ai l'impression que ce sont quand même des personnes responsables, et j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Donc effectivement, moi je vous le dis, aux prochaines municipales, il y aura vous, d'une manière ou d'une autre, où vous irez contre l'enfouissement de l'échangeur, et puis il y aura nous, où nous défendrons l'enfouissement de l'échangeur. Monsieur Barjot. Oui, je. Alors, sur l'enfouissement de la porte de Bagnolet, c'est un projet très bien. Mais tout le monde sait autour de cette assemblée que ça ne se fera pas rapidement, en tout cas pas, peut-être même pas de notre vivant. Nous sommes favorables à l'enfouissement. Hein, Monsieur Pape, ne dites pas que vous prenez acte du fait qu'on soit contre l'enfouissement. Ça serait assez malhonnête intellectuellement. Je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la rénovation de la parcelle numéro 1 qui est proche de la porte de Montreuil, évidemment, c'est nécessaire et il faut le faire. Sur le tracé de la seconde parcelle, alors là, on nous dit qu'il va falloir faire une étude pour savoir où est-ce qu'elle va se positionner. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. La première passerelle se trouve pas très loin de la porte de Montreuil. On va pas la faire à 50 mètres de l'actuelle. Donc la passerelle seconde, si elle doit avoir lieu, c'est là où la ville de Paris a déjà travaillé et depuis plusieurs années. Et c'est ce projet que nous avons porté avec le groupe de l'opposition et Pierre Vionnet. À l'époque, Madame de Rugy nous a vraiment ri au nez en disant que c'était vraiment une ineptie. Je suis assez étonné que maintenant le BEC défende ce projet alors qu'il s'y est vraiment opposé pendant de longs mois. Je pense que c'est vraisemblablement la magie des élections municipales à venir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le financement. Vous m'avez traité de menteur, Monsieur Cédric Pape, sur le financement, lorsque je vous disais que la parcelle envisagée justement par la ville de Paris coûterait quasiment rien, voire même zéro, à la ville de Bagnolet. J'en veux pour preuve, je fais le parallèle avec la passerelle qui a été faite à Aubervilliers, et nous nous sommes renseignés auprès de l'administration de la ville d'Aubervilliers. La maîtrise d'ouvrage, c'était la ville de Paris. Donc c'est la ville de Paris qui a financé l'essentiel de cette passerelle. Il y a eu un cofinancement de Pleine Commune et de ICAD. Pour en terminer, la ville d'Aubervilliers n'a déboursé 0 euro. Donc, si on fait cette seconde passerelle au niveau du tracé qui est déjà trouvé, ça coûtera zéro à la ville de Bagnolet. Et c'est quelque chose qui se fera plus rapidement que l'enfouissement de la porte de Bagnolet. Bon, donc on est déjà d'accord sur le fait qu'il y a une différence de temporalité court terme et long terme. On l'a toujours dit. Donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de nouveauté. Effectivement, c'est un projet à long terme. Et effectivement, c'est le rôle des élus, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, de porter des projets à court terme, mais aussi de lancer des projets à long terme qu'on ne verra peut-être pas aboutir. J'espère de notre vivant quand même, on le verra aboutir. Mais peut-être qu'on ne sera plus en responsabilité politique. Mais c'est la vie. Et ça ne me dérange aucunement. Mais c'est notre rôle. On nous l'a assez reproché d'avoir une vision. Voilà. Et encore une fois, il s'agit de réunifier une ville qui est coupée en deux. Et encore une fois, il s'agit d'une action de politique de santé. Bon, je ne vais pas revenir dessus, on est d'accord. Maintenant, oui, je vous ai dit que vous étiez un menteur, mais pas sur ce sujet-là, monsieur Barjot. Non, là, vous réécrivez l'histoire. Moi, je m'en souviens très bien. On était en conseil de quartier des Coutures. Le 14 mai, comme vient de le dire monsieur le maire. Vous prenez la parole et vous nous dites, et on l'apprend, alors là, il y a quand même beaucoup de témoins, que la ville de Paris va budgéter une somme qu'on ne connaissait pas pour lancer carrément la construction d'une passerelle numéro 2 et que c'était la ville de Bagnolet qui bloquait. Et je vous ai dit, engageons-nous à réhabiliter la première. J'ai jamais dit que c'était budgété, monsieur Cédric Pape. J'ai dit que ce serait financé. Serait le conditionnel a toute son importance dans la langue française. D'accord. Alors allons-y sur le conditionnel, je vous l'accorde. Évidemment, on vous répond à ce moment-là. Première nouvelle, parce qu'on rencontre quand même assez souvent la ville de Paris, que ce soit la mairie centrale ou la mairie d'arrondissement, et jamais on n'a entendu parler de ce sujet-là. Mais jamais. Enfin, je pense que vous pouvez admettre qu'à ce moment-là, on était quand même extrêmement surpris par votre déclaration. Donc, du coup, on se renseigne, je vous passe les détails, et là, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a rien de budgété, il n'y a rien de financé, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de présent. Tout simplement, un vœu qui est déposé, si mes souvenirs sont bons, par le groupe Écologie, à Paris 20e, pour émettre à peu près la même chose que vous dites là aujourd'hui, par la mairie centrale, à la mairie centrale, pour lancer une étude. Donc on est là aussi dans le conditionnel, c'est-à-dire il y a un vœu pour lancer une étude. Grosso modo, ça pourrait prendre autant de temps que l'enfouissement de l'échangeur. C'est là où je vous ai dit que vous nous aviez, alors mentir, oui, trompé, c'est peut-être plus exact, parce qu'à ce moment-là, je pense que vous aviez la vérité en tête, mais ça aurait été mieux devant quand même, je pense, l'ensemble des citoyens, enfin les citoyens qui étaient présents lors de ce conseil de quartier, de dire exactement que c'était un vœu et qu'il n'y avait rien de financé. Voilà, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Une question rapide. Je trouvais, rapide, merci. Une question, c'est avec quels moyens vous comptez faire l'enfouissement de l'A3, en fait ? Il y a un côté pécunier, d'accord ? Avec les moyens de l'État. Et on essaye de convaincre l'État d'accord. de s'engager. Aujourd'hui, enfin, c'est comme quand à l'époque, c'est comme quand à l'époque la couverture de l'autoroute A3 a été couverte. Elle n'a pas été financée par la ville de Bagnolet. Mais tu coupes la parole. Oui, mais je te réponds. Mais j'ai pas fini encore. Laisse-moi poser la question. Donc, quand la couverture de l'autoroute A3 a été financée il y a bien longtemps maintenant, c'est pas la ville de Bagnolet qui a financé. Pas par la ville. A été financé il y a bien longtemps. Conseil régional et l'État. Il y a bien longtemps, mais tu peux me dire combien de temps, parce que je pense qu'à l'époque l'État avait de l'argent, et aujourd'hui les comptes de l'État sont secs. C'est-à-dire qu'il y a des priorités avant que l'enfouissement de l'A3. Donc si tu ne sais pas si tu es au courant, non, l'État, au courant. L'État n'a plus d'argent. Je ne suis pas au courant. Donc merci. Quand tu peux constater que la Cour des comptes n'a pas validé la